Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 42. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous écrire à notre adresse email, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je vous invite à nous soutenir financièrement, à soutenir notre émission, en faisant des dons par Monero, crypto-monnaie qui garantit intégralement votre anonymat. J'en profite pour rappeler les dons qui ont été faits récemment. On avait notamment Oui qui nous a fait un don, on le remercie. On avait omis de le mentionner, c'était pas intentionnel, mais... Il s'est rappelé à notre bon souvenir, donc voilà, merci Oui de ton soutien. Ainsi qu'un don de 0,5 Monero, un demi Monero. Et là, je vais revenir dessus parce qu'il y a un courrier qui est adjoint. Mais avant, je vais présenter les membres de cette semaine. Je vais commencer sans transition aucune avec Titus qui nous fait le plaisir d'être avec nous cette semaine. Salut Titus. Salut Gandalf, salut à toute l'équipe. Pierrot est aussi avec nous, salut Pierrot. Ouais, salut Gandalf, salut tout le monde. Fulbert est présent avec nous cette semaine, salut Fulbert. Bonjour Gandalf, bonjour à tous. Et enfin, Derek nous rejoint cette semaine, on est content de l'avoir avec nous. Le cardinal, le prophète, le négrologue, salut Derek. Le scientifique aussi, effectivement, oui, ah. Tout à fait. Salut Gandalf, salut l'équipe, salut aux auditeurs. Faut pas omettre cette qualité, effectivement. Oui. Alors, messieurs, donc, comme je le disais, nous avons reçu un don, mais nous avons reçu avec ce don un courrier. Je vous le lis. Alors, je vous adresse mon don mensuel que j'ai mentionné. Encore bravo pour la qualité et la régularité de votre travail. Comme beaucoup, j'attends religieusement chacune de vos émissions. Et après vous avoir lu ou écouté, il devient très difficile de regarder des débats politiques à la télévision. Comme je sais que Gandalf aime l'étrange de vie, je vous écris trois impressions en lien avec mon activité professionnelle. Je suis avocat. Du fait de ma profession, je suis au premier rang pour constater la décrépitude de la société française. Je ne vois tous les jours que de la haine et de la rancœur de l'être humain envers son prochain ainsi que sa bêtise, et ce, malheureusement, toute race confondue. Lorsque le gouvernement a présenté il y a quelques années la réforme du divorce, j'avais été choqué par son mécanisme proche du droit de la consommation. Ainsi, avec le nouveau divorce par avocat, les époux signent une convention de divorce pour régler les conséquences de leur séparation, essentiellement pour les biens de la communauté, et ils ont ensuite un délai de 15 jours après la signature pour se rétracter, comme dans le cadre d'une vente par correspondance. Chose étrange, personne alors n'a fait ce lien, ni n'a été choqué par le mécanisme de cette nouvelle procédure. C'est vraiment, à mon sens, un bon exemple du délitement de la société. Il y a 50 ans, le divorce était mal vu, et la procédure compliquée à mettre en œuvre, et aujourd'hui, il est devenu complètement banal, vu comme un simple contrat où sont appliqués pour sa rupture les mécanismes du droit à la consommation. Deuxième point. En ce qui concerne les justiciables, dans les procédures civiles, les juridictions sont encore très majoritairement saisies de dossiers entre blancs. En revanche, en ce qui concerne les procédures pénales, sont concernés essentiellement les bougnoules, nègres et autres gitans. Je conseille aux auditeurs de se rendre dans un palais de justice les jours d'audience correctionnelle et ils verront dans la salle des pas perdus, entrée du tribunal, des hordes de races africaines ou orientales errer en attendant leur convocation. Les seuls blancs présents à ces horaires sont naturellement les victimes, parties civiles à la procédure. La statistique ethnique n'est pas nécessaire en la matière, il suffit de garder ses yeux ouverts et de mettre de côté sa mauvaise foi ou son biais politique. Troisièmement, je participe à la vie de mon barreau et de ma profession. J'ai pu ainsi me rendre compte que si l'avocat moyen est quelqu'un de type conservateur ou libéral économiquement, naturel chez une profession libérale en lutte perpétuelle contre l'hydre du fisc, mes instances sont malheureusement elles aussi soumises au politiquement correct et à la pression politique. Ainsi, en début d'année, les instances de gouvernance de la profession ont écrit à l'ensemble des barreaux afin de leur demander leur avis sur l'ajout d'un principe de non-discrimination dans le règlement de la profession d'avocat, sans en préciser le contour. Alors même que la majorité des barreaux ont répondu qu'ils ne comprenaient pas le sens de ce principe et que celui-ci n'était pas nécessaire, car déjà couvert par d'autres principes, le principe de non-discrimination a été rajouté à notre règlement. Il s'agit, encore une fois, d'un exemple typique du délitement de notre société, car le principe immuable est le droit pour l'avocat de refuser de défendre un client. Donc je pense qu'il fait référence au principe de non-discrimination, suppose en fait de ne pas pouvoir dire non à la sollicitation d'un client, en fait, hein, c'est ce qu'il veut dire. Hein. Donc sur la base raciale, évidemment, bon, c'est bien entendu. Donc voilà la clause en question. Je vous parle ici, d'il y a quelques années, ce principe de non-discrimination sera utilisé contre l'avocat pour l'obliger à conserver un client ou obtenir des dommages et intérêts en cas de débarquement du dit client. Voilà, j'espère que ces quelques mots seront lus dans un courrier des lecteurs. J'aimerais entendre votre avis sur ces points. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, un démocrate participatif. Alors merci à ce camarade démocrate et avocat en lutte pour sa survie fiscale, hein, comme on l'a bien compris. Peut-être d'ailleurs prochainement en lutte pour sa survie tout court, hein, puisqu'il risque d'avoir des nouveaux clients pas forcément très commodes. Hein, vous avez une petite idée du type de clientèle que je veux décrire. Qui veut revenir? Il y a trois points. Hein. Donc il y a le premier point, c'est la facilité avec laquelle on divorce en France aujourd'hui et à quel point lui voit la similitude avec le droit commercial, le droit du rapport entre le client et un vendeur. Qui veut peut-être prendre la parole là-dessus? Moi, je veux bien revenir sur au moins deux points, mais si d'autres veulent parler avant. D'abord sur le divorce. Sur ce qu'il veut pointer là, non. Si quelqu'un veut dire quelque chose, enfin, si quelqu'un veut dire sur ce point, ou si ça se suffit à soi-même. Oui, justement, sur le divorce, là, c'est un des deux points. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec lui. Le divorce est largement banalisé, et ça montre à quel point les gens ont complètement oublié et le foyer et le pater familias d'antan. Mais quelque chose auquel je pense aussi, c'est que quand le divorce a été banalisé, ça restait quand même beaucoup un divorce pour faute. C'est-à-dire que même s'il y avait le divorce à l'amiable, et il était toujours possible pour au moins un des époux d'accuser l'autre d'avoir fait quelque chose de mal et puis pour essayer d'avoir l'avantage au niveau pension alimentaire, garde des enfants, etc. Et justement, les divorces pour faute, ça fait vraiment du mal aux enfants parce que ça donne des procès à rallonge avec les parents qui se disputent, enfin même après la séparation avec l'avocat, avec une judiciarisation des rapports, enfin, et ça donne des procès qui n'en finissent pas, ça donne des parents qui commencent à chacun parler mal de l'autre à l'enfant. C'est vraiment, surtout quand l'enfant est petit ou même adolescent, c'est extrêmement destructeur. Alors que là, je me dis, quitte à faire une politique du moins pire, ce qui est encore ce qu'on peut faire en France, là, ce genre de divorce facile, peut-être que c'est moins dur à vivre pour les enfants. Et bon, après, il y a la famille recomposée, et puis il y a tout ce côté qu'on connaît, mais s'il y a moins de conflits entre les parents, c'est peut-être mieux, moins pire, d'avoir un divorce comme ça, que d'avoir les divorces pour faute qui sont extrêmement lourds et qui sont destructeurs pour les enfants. C'est un point de vue intéressant que tu poses là. Quelqu'un d'autre ? Ouais, je pense justement sur les fameux divorces pour faute, il peut arriver, effectivement, il y a des cas où malheureusement le divorce est juste la seule option parce que je pense au temps d'avant où par exemple le mari il allait voir ailleurs ou je sais pas, il cognait trop sa femme pour des conneries ou il picolait, bon, des trucs qui peuvent arriver, tu vois. Et donc on sait que c'est les femmes qui demandent majoritairement le divorce, très majoritairement. Je pense qu'il y a une sorte de mutation nouvelle où finalement, on a continué dans les mêmes statistiques. Hein, les femmes demandent toujours le divorce, mais je pense que c'est des raisons maintenant beaucoup plus, beaucoup plus légères, quoi. Voilà. Donc c'est pour avoir des avantages pécuniers et que finalement les gens ne croient plus à l'institution du mariage Et je fais référence à une nouvelle vague du féminisme, finalement, qui prend juste les hommes parfois un peu pour des cons, qui profite des avantages et qui se barre avec la moitié de la caisse, quoi, tout simplement. Qui d'autre sur le point du divorce? Oui, bon, mes collègues en ont parlé, hein, le divorce est passé dans les mœurs, à tel point que on se demande à quoi sert encore le mariage, quoi, hein, c'est l'étape juste après le mariage, en fait, le divorce, hein, quand tu entends des types klaxonner dans la rue, maintenant tu te dis, bon, ben, allez, dans 5 ou 10 ans, on se retrouve devant l'avocat pour divorcer. Moi, ça me, oui, pour le coup, ça me choque pas que la chose soit automatisée comme ça. Et même, ça me choque que ça coûte autant de fric, en fait, hein. Je serais presque pour l'abolition même du mariage, parce que dans les faits, il ne sert à rien. On n'est plus, en tout cas, dans une société patriarcale. Donc, à part effectivement te mettre une lame de couteau sous la carotide en attendant que la nana vienne sabrer le champagne, ben ça ne sert pas à grand-chose de se marier. Et donc, divorcer, c'est une ruine bien dont se passerait. Voilà. Donc, oui, moi je suis. On peut se divorcer en se rendant à la poste et en signant un papier. Voilà. D'accord, donc toi tu trouves ça plutôt normal, ou en tout cas ça te Ouais, non, mais il n'y choque a pas que ce plus. soit Le facilité. mariage n'existe plus. Faut arrêter de croire que le mariage existe encore, quoi. Ça, ou alors ça existe pour te foutre dans la merde, hein. Le mariage peut exister dans le cadre religieux. Alors le bazar public a signé des contrats, etc. Et puis après, devoir payer des trucs à une nana qui a décidé qu'elle voulait aller se faire broquer par tous les nègres de la terre en dansant du kizomba. Donc, le mariage en France, c'est ça. Non. Fulbert, peut-être, veut dire quelque chose là-dessus? Je suis moi-même divorcé, quoi, depuis longtemps, mais je n'ai quand même pas grand-chose à raconter parce que, bon, c'était une autre époque. C'était déjà, le mouvement était déjà commencé, hein, le divorce à répétition. Mais, ouais, oui, il est un fait que, comment dire, je crois que beaucoup de gens, et excusez-moi, mais les femmes en particulier, se font pas mal d'idées, effectivement, et je pense que lorsqu'elles ont obtenu quelque chose, elles veulent plus, sans vraiment bien comprendre qu'il est parfois difficile d'avoir plus. Moi, c'est comme ça que j'ai interprété mon propre divorce, c'est comme ça que j'ai interprété le divorce d'amis, de connaissances. Mais maintenant, je suis vraiment plus qualifié, je vis seul depuis très longtemps, et depuis 30 ans, et je suis un peu dépassé, quoi. Donc toi, tu dirais l'insatisfaction et l'impatience des femmes, en fait. Ça, tu veux pointer du doigt. Oui, il y a quelque chose comme ça, enfin, de certaines femmes, en tout cas, c'est certain. Je ne dis pas que toutes les femmes sont pareilles, hein, mais. Certaines femmes, Fulbert, voudraient réparer les hommes, une espèce de tikkun olam à l'échelle du couple. Ah, ça, c'est pas idiot, ça. Non, non, il y a du sens là-dedans. Oui. Absolument. Mais elles veulent réparer, c'est-à-dire que, pas vraiment, elles veulent simplement un petit peu comme pour une voiture. Elles ne la réparent pas, elles changent de voiture, tout simplement. C'est plus simple. Alors, sur le mariage en question, sur la notion de mariage, ben, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Derek, c'est qu'en substance, le mariage n'existe plus dans les faits, puisque par définition, il peut être défait. C'est-à-dire que dans la mesure où le divorce existe, le mariage cesse d'exister, l'intangibilité du mariage ayant disparu, c'est un contrat qui peut être résilié. Et donc, je comprends que l'avocat en question qui nous écrit se désole un peu en fait de cette facilité avec laquelle finalement les rapports humains, enfin en tout cas entre les hommes et les femmes, se font et se défont avec finalement un manque de un manque d'engagement dans la durée qui fait aussi... Moi, j'aime bien son analogie parce que ce qu'il dit un peu, il dit bah voilà, en fait, aujourd'hui, les couples, c'est des consommateurs. Voilà, les hommes et les femmes sont des consommateurs et finalement, ils consomment enfin, pardonnez-moi l'expression, mais ils consomment une femme ou ils consomment un homme, comme on consomme une télévision, comme on consomme une voiture, et voilà. Et si on n'est pas satisfait tout de suite, immédiatement, si on n'a pas le rush. Le rush de comment dirais-je de dopamine ou de sérotonine, je sais pas laquelle des deux est impliquée dans ce mécanisme. Eh bien, on en voit tout bazarder. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, quelqu'un a dit, je sais plus si c'est Titus ou si c'est Pierrot, il a dit, bah finalement, se marier ne comment on se demande pourquoi, je sais pas comment ça a été formulé, mais on se demande qui a encore envie de se marier ou qui pourrait avoir envie de se marier. Bah moi, j'ai une réponse, c'est les PD. C'est-à-dire que la passion avec laquelle les PD ont voulu se marier signe en lettres d'or le fait que le mariage n'a plus aucune valeur. Moi, je crois que la légalisation du mariage homosexuel, enfin ce qui est présenté comme l'union des invertis, quoi, hein, ne témoigne pas tellement de la progression de l'homosexualité dans la population générale. Je ne crois pas que c'est ça qui se passe. Je crois que ce qui se passe, en revanche, il y a un effacement ou un relativisme des polarités sexuelles. Bon, ben ça, c'est encore une autre question. Mais je crois surtout que c'est le fait que les gens sont emmerdés par la perspective de s'engager à vie dans quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ont peur de l'engagement, ils ont peur de la limite, ils ont peur de la contrainte. Tout ça leur fait peur. Donc ils n'aiment pas les frontières, ils n'aiment pas les hiérarchies. Ça correspond tout à fait à l'époque, quoi. Je veux dire, c'est une époque d'anarchistes. C'est une époque d'anarchistes. Je trouve qu'on est dans une époque profondément anarchiste, 68arde, dans laquelle effectivement le mariage contraignant, avec sa lourdeur, avec son engagement pour une vie, etc., terrorise absolument tout le monde. Et les gens préfèrent consommer effectivement un mariage ou une union plutôt que de faire face à tout ce que ça suppose de difficultés au quotidien à l'échelle d'une vie, quoi. Donc il n'y a rien qui me surprend là-dedans au plan culturel, ça me semble être tout à fait en phase. Et le mariage homosexuel traduit en fait la dévalorisation complète aux yeux des hétérosexuels du mariage. C'est parce que le mariage chez les hétérosexuels ne vaut plus rien, vaut plus un clou, a été foutu par eux aux orties, que les PD qu'on l'a donné aux PD, en fait. C'est aussi simple que ça. Je crois que c'est aussi simple que ça. Alors, d'une certaine façon, l'union des sodomites, j'allais dire, est plus le révélateur que le cœur du problème. Et je crois que ça a été mal présenté quand il y a eu en 2013, quand il y a eu les manifestations contre le mariage des phoques. On a mis beaucoup trop l'emphase sur le fait que le mariage homosexuel menaçait l'institution du mariage. Je pense que c'était vraiment pas le bon diagnostic. Ce sont les hétérosexuels qui ont détruit le mariage. C'est ça qu'il fallait dire. Et que le fémitisme a énormément contribué à la destruction du mariage. Et je précise, parce que je vais quand même être exhaustif, quand je dis le féminisme, ça veut pas dire que c'est les femmes. Parce qu'en fait, pour que le féminisme soit efficient, il faut que les hommes et les femmes voient surtout les hommes soient féministes. Et je crois que c'est ça le cœur du problème. C'est qu'en fait, les hommes laissent tout pisser parce qu'eux-mêmes sont finalement... Je crois qu'il y a un certain nombre d'hommes qui sont quand même bien contents de pouvoir se débarrasser d'une nana. Voilà, parce que les mariages, c'est pas... je connais pas exactement la proportion entre les demandes de divorce, etc., mais sur les raisons objectives d'un divorce... Je serais assez curieux de savoir, je ne serais pas surpris quand même hein, qu'un certain nombre de divorces, même une part significative de divorces, soit motivée parce que le fait est que le mari est volage. Donc, je veux dire, il y a des torts partagés, et donc ça ne me surprend pas. Voilà ce que je voulais dire. Mais c'est vraiment la notion d'anarchisme. Hein. Le patriarcat a été foutu en l'air par des anarchistes. Ouais, par tout le monde en fait. C'est ça. C'est ça. Non mais après, c'est vrai, ça va pas. Par des gens qui veulent que des droits et aucun devoir, simplement. Tout à fait, et c'est vrai pour toute une série de questions. Et moi, je trouve que, en fait, les boomers, parce que c'est cette génération qui a foutu en l'air le patriarcat, c'est eux qui ont, enfin, l'abolition du patriarcat, la légalisation formelle de l'homosexualité, même si elle était plus réprimée depuis longtemps, je veux dire, elle a été légalement abolie par les boomers, comment dirais-je, comment dire, comment on appelle cette formule, enfin, le père responsable pour la famille, j'ai complètement oublié. C'est pas le pater familias, hein, c'est le... Non, la puissance paternelle, voilà, le démantèlement de la puissance paternelle au début des années 70, etc. Bon, tout ça, c'est quand même le fruit... l'avortement, la légalisation de l'avortement, etc. Bon, tout ça, c'est quand même le fruit d'une époque, la deuxième partie du XXe siècle, qui est une époque anarchiste, quoi. Je veux dire, anarchiste et libérale. Et sur le coup, c'est pas mal. Sur le coup, ça a l'air bien, c'est séduisant. Bah ouais... on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de contraintes, et puis voilà, etc. On a l'impression que finalement, la vie n'est qu'un éternel présent, et qu'il n'y a pas de conséquences. Et aujourd'hui, on est en plein dans les conséquences, c'est-à-dire les familles recomposées sont devenues la norme, les gens ne se marient plus, parce qu'en fait, là on a pratiquement un débat de retard, parce que les gens ne se marient plus. Ça c'est parce que les gens sont pas stupides finalement, ils actent des évolutions. Donc ils ont bien compris que ça ne servait à rien de se marier. Alors, il y a le Pax, éventuellement, pour quelques petits avantages fiscaux, mais même pas nécessairement. Voilà. Et donc, on parle d'une institution qui n'existe plus. Tout court. Et on est pas loin du moment où on va attendre encore 30-40 ans, enfin, à ce rythme-là, quoi. Où il n'y aura plus que les PD qui se marieront. Il n'y aura plus que les PD. Et les musulmans. Alors, ouais, les musulmans, je bémol encore, parce que le mariage musulman est révocable c'est vrai, de claquement de doigts. Alors que le mariage civil, bon, il faut payer des avocats, etc. Si tu veux, tu as tout le bordel. Donc, en général, ils préfèrent faire leur truc mariage religieux. Et ils ont bien raison, parce que c'est... Oui, de leur point de vue, oui, bien sûr. Oui, non, mais même, enfin bon... Oui, puis en plus, en fait, vue, non, mais c'est universel, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette idée de filer des ronds à des gens voilà, moi, je... Non. Tu ne touches pas mon fric, quoi. Alors, deuxième point de la discussion qu'il a abordé, c'est la composition raciale des procès au pénal. Alors... C'est une expérience extrêmement intéressante. Je sais que beaucoup de nos auditeurs n'ont jamais mis les pieds dans un tribunal. Et ce sont des audiences qui sont ouvertes à tous. Vous pouvez vous renseigner dans votre ville. Je vous assure que ça vaut le coup de le voir au moins une fois dans sa vie. Vraiment. Ça peut être un peu rébarbatif. Ça peut être... Mais franchement, envoyez même un ami ou deux, ou même votre compagne, si vous avez envie de voir une réalité sociale que vous ne verrez pas autrement, si ce n'est dans la presse. Allez-y, lors de ces audiences publiques, vous allez voir la cour des miracles, vous voyez, la société telle qu'elle existe vraiment et telle que la voient beaucoup mieux que vous les autorités. Tout ce qui échappe à votre attention, pour une raison simple, hein, vous n'êtes pas en prise directe avec ça, mais tout ça, ça c'est en concentré lors d'audience, vous allez pouvoir l'observer. Et le conseil de notre auditeur avocat est bien senti. Allez-y, participez, vous allez voir effectivement ce qu'est une part grandissante de la population française. Je vous assure, vous ne serez pas déçus du voyage. Qui veut... Bon, ce n'est pas une surprise. Je ne peux pas dire que ce qu'il a dit, notre auditeur, soit une surprise pour nous ici. Mais je retiens en tout cas son conseil. Allez voir, ça vaut le coup. Oui, donc c'est très, très essentiellement de ma chaîne venue d'Afrique, matinée de quelques petites tranches de gitans. Ouais, pas mal de bandes de gitans, ça se termine souvent en esclandre dans le hall avec les gitans. Les gitans, ça dépend des endroits, parce qu'il n'y en a pas forcément partout. Pas forcément partout. Les bougnoules et les nègres, ça, c'est, ah oui, c'est, quand même, oui. C'est quand même très bien distribué au sein du territoire français. Troisième point du courrier de notre auditeur, c'était relativement à la clause de non-discrimination des clients. Ils avaient sollicité les barreaux de France pour s'exprimer sur la question, hein, c'était consultatif. Ils ont fait comprendre que ça ne les intéressait pas et on leur a dit très majoritairement d'aller se faire foutre. Donc là aussi je pense qu'on sent hein, le sens de la démocratie interne maçonnique. Donc voilà, hein, il ne va pas falloir discriminer les bougnoules et les nègres. Ça promet quand même quelques séances de dialogue interculturel entre avocat et client assez intéressante. C'est Dupond Moretti qui doit être content. C'est un vrai progrès pour la démocratie française. Ça, je pense que ça doit l'enthousiasmer. Hein. Régis, oui, c'est... Hein. Bah, c'est... c'est comment... Bon. Partant du moment que les races n'existent pas, que tout le monde est égal, etc., oui, je vois pas pourquoi il serait... il serait en oui. place que les avocats auraient le droit de définir dire non. qu'il ah, existe oui. des différences, alors qu'il n'en a pas. En fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que normalement, c'est censé être une profession libérale. Or, ce que ça devient, ce que c'est en train de devenir, ce que la profession d'avocat est en train de devenir, c'est une fonction publique. Oui, enfin, une fonction libérale dans le cadre de la République. Certainement. S'il te plaît. Non, mais je veux dire, ça devient un service public avec voilà une obligation de service, contrairement à l'esprit libéral de ce type de profession où effectivement l'avocat est censé être comment dirais-je, un entrepreneur finalement un peu comme un autre, et pouvoir, bien écouter, choisir un client ou pas, quoi. Hein. Donc, et il s'en plaint, et voilà, je pense que notre client est en train d'expérimenter progressivement la soviétisation de sa profession. Bon, ça passe aussi par là, j'ai envie de dire. Hein. Hein aussi. Aussi. Par contre, il va falloir se mettre à l'arabe, hein. Ça va être très important. Hein. Ah bah oui. Il faut s'intégrer. Les cabinets vont devoir. Ils vont devoir avoir des interprètes. Qu'effectivement, le fait de refuser quelqu'un qui te demande en arabe d'être son avocat pour être réprimandé par un autre avocat, du coup, monsieur, je sais pas, Abel Chemoul, je sais pas, quelque chose comme ça. ça Habib Ramidi. Oui, bonjour, je suis là pour t'aider. Et bien oui, je crois qu'on va avoir là des belles joyeuseries, hein. Ça s'annonce assez intéressant. Moi, j'attends incessamment sous peu un arrêt du Conseil d'État qui contraint les avocats à traduire toute la littérature qui est transmise à leurs clients en arabe. Je pense que ça est dans la langue d'origine. Et en créole. Et dans la langue d'origine. Oui, principe... oui, et on peut. Principe d'égalité. Principe d'égalité. Principe d'égalité. Le principe simple. Donc je sais que ça promet dans le futur, et je ne vois pas au nom de quoi on empêcherait des Français arabophones d'accéder à la littérature les concernant dans les affaires diverses et avariées qui les touchent. Hein. Voilà, oui, alors... d'autant qu'ils sont les premiers concernés pour la en général, du temps, en tout cas, oui, ce qui concerne le pénal. Hein. Tout à fait. Alors, chers amis, je vous propose de passer à la rubrique courrier des lecteurs. Alors, c'était un mécène qui nous écrivait, donc c'était à mi-chemin avec notre rubrique. Alors, rubrique courrier des lecteurs, premier courrier. Alors là, l'appel a été entendu, vous savez, allez, un peu emporté par mon élan, j'ai sollicité nos auditeurs pour nous faire une cartographie ethnique et raciale, voire religieuse si possible, de la bonne ville de Paris, capitale de la France. Et l'appel a été entendu. Je vous livre cet article, cette réponse, pardon. Salut les démocrates, voici une modeste contribution à la cartographie raciale de notre capitale française où j'ai eu l'honneur de croupir de nombreuses années. Dieu merci, j'en suis parti. Mais je connais bien notre vieille putain spiralée. Réponse à la question posée par le camarade Gandalf lors d'une précédente émission. Y a-t-il plus de bougnoules ou de nègres à Paris ? Semble être aussi difficile que de sonder les espaces infinis dont le silence absolu effraierait le grand Pascal. Méditer là-dessus donne une idée de l'étendue de notre décrépitude. Alors la question est posée, y a-t-il plus d'arabes ou de nègres à Paris ? Il faut cependant reconnaître que ce qui choque de prime abord le touriste, comme le provincial nouveau venu dans la capitale de l'amour et du romantisme, est bien la présence massive des nègres. Autant le français d'où qu'il vienne est habitué à la présence urticante des bicots, autant le rayonnement de l'éther nègre est la divine surprise qui frappe le lyonnais, le marseillais ou le toulousain monté pour la première fois à la capitale. Le quartier de la Goutte d'Or, au nord de la ville, que j'ai eu l'occasion de fréquenter d'ailleurs, est à la fois terriblement négrifié et relativement touristique de par sa proximité avec Montmartre et des gares du Nord et de l'Est. J'y ai vu de mes yeux vus un petit couple d'Europe centrale sortir un matin d'un des nombreux hôtels miteux du secteur à la recherche de la maison d'Amélie Poulain après être arrivé de nuit à Roissy. Alors qu'ils découvraient pour la première fois la capitale du bon goût tant désiré, je jure avoir lu sur leur visage ébahi pendant une fraction de seconde cette interrogation. Est-il possible que par un hasard de correspondance hasardeuse entre deux aéroports, une erreur de trafic aérien, une roublardise de chauffeur de taxi ou un échange de bagages foireux à l'aéroport, nous nous soyons trompés de destination? Plus bas, sur le boulevard, la station Barbès-Rochechouart dégueule littéralement de blédards maghrébins dont la présence bruyante et obscène vise à refourguer aux touristes et passants cigarettes contrefaites, faux tickets de métro parisien et parfums deluxe. Deluxe, mon cher deluxe. Oui, on respire. Nous ne sommes finalement pas en Afrique noire. L'approche banlieue parisienne, comme le haut de la capitale, se divise comme suit. Le nord et l'est sont majoritairement nègres. Le nord-ouest, bougnoulisant. Un axe qui part de la Porte de la Chapelle à Villiers-le-Bel en passant par Saint-Denis et la Courneuve est désormais, grâce aux efforts incessants de nos dévoués politiques, un véritable no man's land où se côtoient craqueux, clandestins, macros, dealers, violeurs chevronnés ou occasionnels. La visite de la plaine Saint-Denis à la nuit tombée ou la découverte des boulevards extérieurs en tramway by night sont désormais des attractions qui valent à Paris sa réputation mondiale. Petite anecdote révélatrice du charme tellement pittoresque de la Seine-Saint-Denis. Depuis quelques années maintenant, les écrans en gare RER de Roissy-Charles-de-Gaulle font défiler des messages en français, anglais, espagnol et allemand, conseillant aux voyageurs se rendant à Paris d'emprunter, pour plus de rapidité et votre sécurité, des trains sans arrêt jusqu'à la gare du Nord. Contrairement à cet axe nord intégralement ghettoisé, la présence massive négroïde et immigrée dans des villes plus à l'est comme Montreuil, Les Lilas ou Pantin n'empêche pas l'installation des bobos et la gentrification qui l'accompagne. Là s'y font les dernières affaires immobilières de Paris et ses alentours. Au nord-ouest, ce sont les guerriers du Djebel qui tiennent le haut du pavé comme dans tout le nord des Hauts-de-Seine, le 18e arrondissement et une partie du 17e. Les doux noms de Clichy, Villeneuve, La Garenne, Gennevilliers, Colombes ou Nanterre sonnent de la plus heureuse des manières aux oreilles des amateurs de semoule, de spiritualité débordante et de thé à la menthe. N'allez pas croire pourtant que nos minorités soient ségrégées de manière hétérogène dans nos palais de la diversité que sont les cités parisiennes. Tout quartier bougnoul connaît son lot de nègres et inversement. Ainsi s'enrichissent mutuellement les Français du futur, comme en témoigne la réconfortante devise de notre néo-capitale « On est ensemble ». Le tout étant savamment saupoudré des meilleurs éléments de l'élégant peuple rom. Nègres et bicots ne sont cependant pas les seules perles qui ornent la parure de la ville lumière. Dans le sud de la capitale, le 13e arrondissement est très largement sinisé, composé de chinois, hein, tout comme le quartier de Belleville à l'est, où prostituées de rue, tripots clandestins et restaurants aux cuisines infectes ont refleuri ces dernières années grâce à la présence de nos amis d'Extrême-Orient. Le quartier de la Chapelle, dans le 10e arrondissement, abrite, lui, une sympathique communauté de descendants d'Aryens védiques de l'Inde, du Bangladesh, du Sri Lanka et du Pakistan. Je sens l'eau venir à la bouche des auditeurs en entendant la description des trésors qu'abrite notre Paris éternel. Mais le meilleur arrive, le cœur, le réacteur nucléaire de notre diversité, les beaux quartiers. L'anus de Paris, dont les arrondissements jouxtent la Seine, offre un spectacle plus réjouissant encore que le reste du territoire parisien. Les fiottes les plus lubriques, comme les plus louches, ashkénazes, y déambulent à l'air libre de la plus insolente des manières. La beauté et le raffinement du décor construit par nos ancêtres qui hébergent ce défilé permanent des horreurs rend par contraste ce spectacle encore plus frappant de laideur. C'est dans les quartiers qui vont de la place de la République à l'hôtel de ville que se terrent pour beaucoup détraqués sexuels et descendants de ressuscités de l'Holocauste. Les cousins séfarades occupent, eux, le nord du 16e arrondissement d'où ils ont expulsé les vieilles familles catholiques. Un samedi soir, au restaurant McDonald's de la place Victor Hugo permet, par exemple, de prendre la juste mesure du goût, des manières, du savoir-vivre de la jeunesse dorée parisienne. Oui, qui vient d'Algérie, hein, vous l'avez bien compris. comme Eric Zemmour. Alors, donc les villes discrètes et cossues autour du bois de Vincennes sont également le repère de nombreux fils de Yahvé. La ville de Saint-Mandé dans le Val-de-Marne est par exemple habilement surnommée la Petite Jérusalem. Une balade au parc Foral le samedi après-midi vous fait côtoyer de pittoresques familles françaises où parents comme enfants portent de kippa, papillotes et autres tzitzit. Plus loin, sur un banc, et c'est une paire de pédérastes flanqués d'enfants volés qui jouent aux parents. Paris sera toujours Paris. Pour être exhaustif, il faut préciser qu'on trouve la partie la plus populaire et uniquement séfarade de l'enrichissante communauté de Lumière à Sarcelles, dans le Val d'Oise et dans le 19e arrondissement de Paris, près des buts de Chaumont, où elle côtoie de plus en plus difficilement ses cousins maghrébins musulmans. Voilà, pour un premier tableau brossé à la hâte. Il y aurait bien d'autres choses à dire, et une cartographie raciale poussée de la capitale, quartier par quartier, demanderait un travail beaucoup plus fin d'ethnogéographe, pour lequel, hélas, le temps nous manque. Un travail d'avenir. Salutations participatives, Arnaud Zéabon. Je le remercie de ce courrier extraordinaire. J'ai voyagé dans tout Paris. C'est fabuleux, je suis conquis. Messieurs, précision, anecdote, allez, voilà, c'est ouvert. J'ai été contraint moi-même de vivre à Paris pendant quelques mois, près de la guerre de l'Est, on va dire, et j'étais bien plus jeune, en fait, ça remonte cette histoire, et je me souviens avoir eu cette pensée, en fait, la discussion qu'on a actuellement, c'est est-ce qu'il y a plus de nègres ou est-ce qu'il y a plus de bougnoules, et du coup ça me fait marrer du coup qu'on en reparle. Et j'avais eu une petite idée à l'époque, c'est difficile en fait de les quantifier parce que les bougnoules en fait se distinguent beaucoup par le bruit. Hein, ça c'est donc des problèmes de nombre, tu vois, pour essayer de savoir combien ils sont. Alors que le nègre en fait se distingue beaucoup aussi par l'odeur, tu vois, pour reprendre la petite phrase de Chirac. Et le visuel aussi. Hein. Ah oui, non, mais les deux aussi. Et du coup, par contre, j'étais quand même arrivé à la conclusion. Bon, bah les deux en tout cas, il y a plus de métèques que de blancs. Voilà, ça c'est, par contre, c'est sûr. Ah oui, ouais, d'accord. Oui, ça c'est un... Ah voilà, ça m'a fait sourire quand même, cette nostalgie. Alors, la Petite Jérusalem, connaissais-tu ? Non, pas du tout. Par contre, pas je connais tout. Pas du tout les quartiers juifs de Paris. Oui, j'ai bien aimé Saint-Mandé, je crois. Hein, oui, Saint-Mandé, pas Saint-Mandel. Hein. Saint-Mandé. Hein. Ah, Saint-Mandel, oui. J'ai pensé à Saint-Mandel, je l'appelle oui. Comme ça. Enfin, en tout cas, les antisémites devraient l'appeler comme ça. Hein. J'espère que la chose va se développer. J'ai aimé aussi quand même le triptyque républicain. C'est-à-dire la place de la République, oui. les sodomites et les juifs. Hein. Oui, il y a l'hôtel de ville aussi, je crois, qui est mentionné. Oui, c'est le même. C'est la République. Quoi, ouais. République, juif, PD. Oui. Bon. Gouvernement français, Gabriel Attal, etc. Oui. Pas de problème. Ça me rappelle d'ailleurs cette magnifique mobilisation citoyenne et républicaine, vous en rappelez nécessairement. Place de la République, hein, à l'appel des associations juives, où il y avait eu quand même à peu près, je sais pas, une foule immense de 10 000 personnes hein, qui s'étaient rassemblées pour, en disant haut et fort à quel point la France ne serait plus la France sans les POI. Ah, c'était à quelle occasion déjà qu'ils avaient pleuré, je me souviens même plus. Oui, c'était voilà, ça. Eh, je m'en rappelle même plus, tiens. Mais c'est pas l'affaire de Simone Veil avec la croix gammée, là ? Ah, ouais, oui, le génocide sur la boîte postale. Bah oui, pour le coup, notre auditeur a bien résumé la chose, ce sont des ressuscités de l'Holocauste, comme Simone Veil, effectivement, ouais. Je ne le répéterai jamais assez, Simone Veil est officiellement morte gazée à Auschwitz. Son nom a été répertorié comme tel, elle a été comptabilisée parmi les victimes. Ce qui ne l'a pas empêché de faire une très belle carrière politique, suffisamment longue en tout cas, pour faire voter l'avortement de masse pour les jeunes blanches et ainsi assassiner, là pour le coup, véritablement des millions de Français à naître. C'est toujours bon de le rappeler. Je précise que la République a su l'honorer en débarrassant ses restes au Panthéon. Voilà. Mais le destin est espiègle. Vous avez vu que le Panthéon a récemment été occupé par ses légitimes propriétaires, que sont précisément les nègres. Les nègres. Ça m'a fait tellement plaisir, cette vision d'horreur. Oh là là. Alors bon, on continue, hein, un petit cheminement là, voilà. Alors bon, Saint-Mandé, la petite Jérusalem, le Marais, le quartier APD. Il y a une ligne nord là où c'est complètement négrifié. Il dit c'est complètement négrifié. Il dit Montreuil. Alors moi j'ai cru qu'on, enfin Montreuil c'est pourri de nègre. C'est pourri de nègre. C'est la deuxième capitale du Mali en fait, Montreuil. Ouais, ce qu'on me disait, c'était la seconde ville du Mali. Alors il y a 10 ans, peut-être que depuis ça a évolué. C'est la première. Hein. Peut-être que c'est la capitale du Mali. Peut-être. Ouais. Putain. Alors, au moins, en tout cas, on n'aura plus de problème de transport de troupes quand il s'agira d'intervenir. Ce sera tout de suite là, à deux pas de l'Elysée, finalement. Bon, ça sera plus simple, finalement. Ce sera qu'une bagarre de bistrot, finalement. Ça nous épargnera bien des problèmes. Qui veut me parler un petit peu de Paris, là, ou bien du courrier de notre auditeur? Moi, je retrouve pas le Paris de Gabin, hein, moi, hein, dans tout ça, hein. Alors, on le retrouve un tout petit peu, mais alors vraiment, il faut chercher en fait. Là, justement, notre auditeur, alors qui a fait un très beau courrier d'ailleurs, citait Amélie Poulain. Et justement, hein, vous savez que le bar d'Amélie Poulain existe vraiment en fait. C'est un café de Deux Moulins, rue Le Pic à Montmartre, ça existe vraiment. Et quand on va dedans, on retrouve un petit peu l'ambiance années 70 avec le comptoir en formica, avec le flipper, enfin le café avec les banquettes d'antan. Enfin, on retrouve vraiment le côté. Alors, en plus. J'y avais été, et ce qui est drôle, c'est qu'il y a le boucher d'en face, enfin, il y a le côté petit village de Montmartre qui y est, enfin, c'est un espèce de petit îlot, mais il faut vraiment le chercher, hein. Regardez, un café Le Pic à Montmartre, à côté il y a Pigalle, alors d'ailleurs, en cours des miracles, Pigalle, j'avais été un peu été dans ce quartier petit, et c'était vraiment, enfin, il y a voilà, 15-20 ans, c'était un quartier malfamé, enfin, bourré de sex shops, de drogués, de gens bizarres, depuis Pigalle a été largement nettoyé et gentrifié, ça s'est rempli de bobos, de magasins bio maintenant. Et par contre, si on descend un tout petit peu vers le sud, là, on commence à retrouver la Goutte d'Or, Barbès, c'est-à-dire les quartiers où la République nous a fait de beaux cadeaux, hein, avec les Terres Neuves. Et tout ça, côte à côte, c'est cours des miracles, quoi. Oui, oui, la Goutte d'Or, oui, c'est... Bon, moi, je trouvais que la Goutte d'Or, ça dépareillait pas tellement avec le reste, en fait. Hein. Moi, ce qui m'a choqué quand j'étais à Paris, c'était le nombre de Chinois. Ou ça, dans le 13e ou ailleurs? Non, partout. Je trouvais qu'il y en avait vraiment beaucoup. Alors, je sais pas si c'était touriste ou quoi, mais ça m'a vraiment choqué. Enfin, je trouvais que les Chinois dépariaient sur les nègres et les crouilles, en fait. Mais c'est peut-être chromatique, hein, comme impression. Hein. C'est juste ça, hein, peut-être. Hein, je sais pas. Mais ça m'a fait bizarre, quand même. Je me suis dit, tiens, la vache, il y en a des Chinois ici, quand même. Enfin, je sais pas, après. Hein. Mais, Je te ferai remarquer, quand même, mon cher Gandalf, que puisque tu as cité Gabin et que tu ne retrouves pas le Paris d'antan, peut-être faisais-tu référence à... au film La Traversée de Paris, par exemple. Oui, notamment. Je te ferai remarquer que il y a peut-être des nègres partout, mais au moins on parle pas allemand, du coup. Ah, ben bah, oui, non, mais ouais. Eh oui. Ouais, hein. On les a bien niqués, les Allemands, n'empêche. Et on mange pas de porc non plus. C'est vrai. Ah. Ah, oui, oui, monsieur Jambier. Hein, voilà, ton cochon, tu ne tireras pas le vendre, hein. Sûr, Jambier, hein. Bon. Non, mais c'est... N'empêche que, vous savez, la traversée de Paris, c'est un peu rigolo parce que ça se moquait un petit peu des Allemands. Et puis du marché noir, etc. Mais avec toutes ces boucheries à l'algue qui ouvrent un petit peu partout, ça devient de plus en plus risqué de bouffer du porc. Hein. Ça devient dans certains coins de plus en plus risqué. Alors sur Paris, je sais pas où, quand, comment, ni quoi. Mais je sais que, en tout cas, le ramadan devient de plus en plus agité, hein, en Île-de-France. Ça devient de plus en plus agité. Comme en Algérie. Oui, comme en Algérie. Est-ce que quelqu'un veut me... Plus généralement sur Paris, sans rigoler, est-ce que... Voilà, quelle est votre opinion finalement sur l'état de la capitale française aujourd'hui? Paris est une véritable cour des miracles. Je me souviens quand même que quand Haussmann, le baron Haussmann, avait reconstruit Paris, lui pensait la ville pour 500 000 habitants. Et c'est vrai que les bâtiments haussmanniens sont adaptés pour une ville de 500 000 habitants, sauf que maintenant il y a 2 millions d'habitants comptabilisés, donc ça compte même pas les clandestins dans Paris, plus de 10 millions comptabilisés, donc ça ne comptabilise que quelques habitants en Île-de-France. Paris, en fait, est beaucoup trop petite pour tout le monde qu'il y a. C'est que même pour des Blancs, des Asiatiques, des peuples civilisés, ça serait déjà petit, mais alors avec tout le reste de ce qu'il y a, c'est quasiment un miracle que Paris arrive à tenir en l'état, parce que il y a des gens qui disaient « Oui, le modèle républicain est mort, la France est en train de se communautariser à l'anglo-saxonne. » Peut-être, sauf que si vous allez à Londres ou à New York, c'est grand. Donc il y a de la place pour chaque communauté à Londres ou à New York. En fait, si vous habitez là, vous pouvez éviter habilement les troupes pakistanaises, etc. Enfin, pas toujours, mais en tout cas la plupart du temps, parce qu'il y a l'espace pour ça. Alors qu'à Paris, c'est beaucoup plus petit. Paris est quasiment une maison de poupée, en fait, à côté de New York ou Londres. Donc il y a toujours une voiture brûlée qui va déborder sur le Boboland, quelques nègres camés qui vont aller un peu dans des beaux quartiers, parce que c'est juste à côté. Enfin, du coup, tout déborde un peu surtout à Paris. Donc le fait que Paris tienne en l'état tient un petit peu du miracle. Ah, c'est intéressant, oui, d'ailleurs le cours des miracles, oui, ça tombe bien. Alors du coup, est-ce que je peux me permettre de vous poser une question, surtout ceux qui connaissent un peu Paris? Anne Hidalgo est candidate à la réédition de son exploit. Vous savez, les rats pullulent, tous les rats d'ailleurs, toutes les formes de rats. Elle est candidate, et alors elle a un coup de bol, puisque actuellement, le tocard Griveaux, marié à une juive, est talonné par Toto Dil Allumé, encore plus connu sous le nom du pianiste, alias Villani. Villani qui donc est un spécialiste des mathématiques, mais qui ne sait toujours pas faire la différence entre sa chaussure gauche et sa chaussure droite. Et là, il est en train de se bouffer, et Hidalgo a peut-être une chance. Elle a peut-être... Alors, est-ce que quelqu'un veut juste me dire, d'après vous, ça peut se passer comment, cette histoire? Alors, pas qui va gagner, mais qu'est-ce qui serait le plus drôle, entre guillemets, comme conclusion municipale 2020 à Paris, en sachant que finalement, bon, c'est vrai que ça n'a plus trop de conséquences, puisque finalement, entre des PD, des nègres, des juifs, des bougnoules islamisés, etc., des roms, bon, c'est vrai qu'on n'est plus tellement concerné, mais bon, juste comme ça. Parce non, mais Anne Hidalgo, ouais. J'espère qu'elle sera reconduite après l'excellent bilan. Ouais, bah oui, bien sûr. Ouais. L'Espagnol rouge avec un nom, ça s'appelle Hidalgo, si c'est normalement c'est la noblesse espagnole. Hein. C'est Hidalgo, c'est le noble. Donc ça, c'est le pas d'origine mort. T'es en train de me dire que c'est le haut du panier, c'est ça que tu veux me dire. C'est marqué sur sa gueule, hein, ça se voit. Hein, c'est européen, quoi. C'est la noblesse européenne, ce truc-là. Bon, moi, je suis pour qu'on continue la farce jusqu'au bout. 6 ans de plus. Toi, tu dis 6 ans de plus, oh, je signe tout de suite. 12 ans, même. Ouais, d'accord. Ouais. Et puis, bon, les Parisiens méritent, excuse-moi. Bon, à un moment donné, bon, faut arrêter. Oui, enfin, à part les quelques personnes qui sont de fidèles résistants et qui nous écoutent, c'est vrai que la grande majorité ne sont pas tout à fait sur... D'après leur vote, hein, je l'observe. Hein. Ils ont quand même... Enfin, pas tous, mais... Yann Brossat est quand même élu à Paris, pour mesurer un peu l'ampleur du problème. Je veux dire, qui a trois qualités. Oui. Trois qualités, en tout cas dans une république bien comprise. Il est juif, il est sodomite et il est communiste. Il a quand même beaucoup de choses pour lui. Il lui manquerait peut-être une chose, c'est d'être une femme. Je crois que c'est peut-être le seul obstacle. Ouais, il peut encore changer de genre, hein. C'est pas fini. Il peut changer, par contre, il aurait pu aussi être métis judéo-nègre. Ça aurait été un petit peu... Peut-être aura-t-il des enfants avec... Enfin, volera-t-il des enfants? J'ai bien aimé la formule de l'auditeur. Des sodomites voleurs d'enfants qui jouent aux parents. Alors ça, c'est là, je vais la ressortir de partout. Hein. J'ai une question à poser. C'est qui éjacule dans le cul de Yann Brossat? J'aimerais savoir. Question est posée. C'est pas une question qui appelle à une seule réponse. Je pense que tout à fait. Mais renseignez-nous, cher. On veut savoir. La France veut savoir. Comment dire Oui, cher Pierrot, tu voulais dire quelque chose? Non, je veux dire juste pour la mairie de Paris. Moi, j'avais un petit faible. Je sais pas ce que vous en pensez pour Marcel Campion. Bah, on n'a pas trop le choix. Je crois que c'est la seule candidature un petit peu punk. Hein, c'est celle du forain. Qui avait qualifié les homosexuels de pervers, hein, d'ailleurs. Oui, de PD. Oui, c'est un peu un vestige, en fait, hein, dans tous les sens du terme, effectivement. Mais bon, malheureusement, ses chances de gagner sont faibles, et je soupçonne qu'il se rallie très rapidement à une candidature macroniste, hélas, pour les besoins hein, de sa fête foraine. Bon, c'est triste, mais c'était un candidat qui avait du potentiel. Hein. C'est un candidat qui avait du potentiel. Hein. Ah là là. Alors, je crois qu'il y a même un candidat FN sur Paris. Ah bon? Oui. Bah, c'est pour les fêtes folkloriques, ça. C'est... Ouais, parce que bon, pour le coup, ça sert à rien. Non, mais c'est pour bah, dire y a qu'il y a... peut-être des Non, mais Français d'outre-mer qui sont Oui, censés connaître. C'est pas au SAM, non? Ami de la Donc ça va? RATP, n'oubliez pas de voter quand même au municipal. Non, il a voulu, il a été rejeté. Ah oui, mais c'est. Ouais, enfin, oui, c'est même pas un gars du FN, c'est Non, Fédéric Bourg. c'est un juif. Oui, bon, juif, surtout libéral, mais. Oui, non, non, surtout juif. Non, non, non, il est peut-être libéral, mais il est surtout juif. Oui, non, mais le type n'est même pas du FN, quoi. Enfin, c'était, ils ont Non, créé, non, il n'est pas oui. du FN. Non, non, ils sont sur une candidature d'ouverture. Oui. Marine Le Pen. Oui, Bon, oui. bref, on parlera de Marine Le Pen tout à l'heure. Moi, je trouve que Cyril de la gueule, c'est symboliquement de dire non, on va pas présenter de candidat FN à Paris, ça ne sert à rien, il n'y a plus de Français. Ça aurait eu de la gueule. Effectivement. Ça aurait eu du Bah panache. Ça aurait eu du ouais. panache, je veux dire. Ça aurait eu du Bah panache. oui, bah ça, au moins, oui, Et puis, ça effectivement. aurait été Mais non, mais réaliste, bon. en plus. Bon. Je sais pas, peut-être que ça va leur apporter 3 deniers de présenter quelqu'un, d'avoir des voix, je Oui. sais pas comment ça marche. Mais... Bon, c'est pitoyable. Et peut-être que Marine Le Pen sera invitée à boire une petite bulle pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Peut-être. Un petit punch. Un Petit petit punch, punch, un petit elle aime punch. beaucoup. Je pense qu'elle préfère la villageoise, mais bon. Hein, je ne sais pas, je ne sais pas. Je pense que son cœur balance. Son cœur balance. Alors, messieurs, courrier numéro 2. Allez, on va quitter Paris et la ville lumière. Non, parce que juste en aparté, je comprends toujours pas pourquoi il y a autant d'étrangers qui viennent visiter Paris. Il se passe pas le mot, les gens? Je comprends pas. Ouais, c'est. Non, mais. Même Trump a acté du fait que c'était un trou à rats. Il l'a dit quand il était en campagne. Même lui, il l'a dit. Je pense que les télévisions à l'étranger, si tu veux, ils ont beaucoup. Enfin, ils doivent pas avoir de subvention de l'audiovisuel comme on a nous, à avoir du contenu sans cesse actualisé avec de la merde la plus récente. Et ils doivent passer très souvent des reportages. En noir et blanc. Ouais, peut-être en noir et blanc ou presque, hein, tu sais, le genre Oui. des années 60, 70, Ouais. avec Marcel qui va faire ses courses dans son petit troquet, Ouais. Ou etc. Tu vois. les peintres à Montmartre. Les peintres, oui, les peintres, tu vois. Ou alors le film avec, comment il s'appelle, avec Brando à Paris, j'ai oublié le nom. Bon, tant pis. Ah oui, j'ai oublié complètement Pour le les nom. nanas, tu vois. Bon, bref, tu vois, il y a encore quelque chose. Ah ouais, quand il y a Et des en belles fait, américaines qui viennent à Paris, peut-être en se disant je vais tomber sur voilà, voilà, Ouais. voilà, voilà, voilà, Ah putain, alors. voilà, Tiens, voilà. bah, vous savez quoi? Eh Mais ben, c'est ça, mais c'est la vrai, dernière, c'est une j'avais mythologie. la dernière fois, j'avais une très belle histoire d'une américaine qui était venue à Paris. Elle a fini plantée sur le trottoir par un bougnoule. Ah. C'est du Brando amélioré. Ben ouais. C'était brandy, ouais, le côté brandy, ouais. Voilà, donc toi tu dis oui, le Paris mythologique, quoi, hein, le Paris Ouais, c'est ça. légendaire. C'est-à-dire que les types, ils ont des reportages à passer. Bon, ils ont un stock quand même voilà, assez conséquent sur Paris et la France en général. Et ça, c'est l'inertie, je pense. Hein, voilà. C'est ça, ouais. Mais je pense Nous, ils qu'en font le fait. noir et blanc, et puis nous, on a juste le noir. Peut-être le gris parfois. Ouais, c'est ça. Non, en fait, je pense que le sort de Paris, c'est un peu ce qui s'est passé avec Athènes, quoi. Quand vous allez aujourd'hui à Athènes, vous avez l'impression de visiter la Turquie et c'était pas du tout ça durant l'Antiquité, quoi. Donc, je crois que le Les gens, ils sort. vont quand même. Ouais, ils visitent. Oui, Ils visitent les ruines, ils visitent les ruines en réalité. Hein. je dire, oui. Non. Ils visitent les ruines, hein. Alors, voilà, donc, bon, c'est bien, on a un avis nuancé. Sur Paris, voilà. Alors quand même, je pense très fortement quand même à tous nos auditeurs qui doivent survivre dans ce marais multiracial. Ça doit pas être évident tous les jours, surtout au contact, bien sûr, des nègres débiles, avinés, des arabes à moitié fous et des juifs pour ceux qui travaillent dans les cabinets de publicité ou les ministères. Ça doit pas forcément être facile. Courrier numéro 2. Chers démocrates, ce matin en allant travailler, je pensais au sujet. Je pensais à la thématique quoi, qu'on avait abordée la semaine dernière, des beaux quartiers, car j'y habite et je vais répondre à certaines de vos interrogations. J'habite en banlieue luxueuse de Lyon. Il n'y a que des blancs. C'est beau, c'est calme, je revis. Que des blancs, mis à part quelques mélanisés, logements sociaux, chaque nouvelle construction, chaque nouvel immeuble a son lot de nègres. Mais de nègres, il y a 15% de la population maximum. Comment se fait-il qu'ils représentent 40% de l'école publique? Eh bien, il suffit de s'arrêter une demi-heure lors de l'entrée ou de la sortie des écoles. Premier constat, les blancs arrivent à pied avec un enfant à la main, les nègres arrivent en Opel pourri et arrivent à en placer neuf. ils inondent la cour en 2 secondes. Second constat. Des bus affrétés venant des mauvaises banlieues des villes avoisinantes dégueulant leur charbon, ça c'est le busing. Maintenant parlons écologie. Pour les autres services de la mairie, donc on est à Lyon, hein, concernant les enfants, les candidatures sont croisées. C'est-à-dire que si vous êtes un blanc, un blancos, hein, avec de beaux enfants, vos gosses vont finir au centre social ou dans une crèche du quartier nègre. Si vous êtes un nègre, vous aurez une place dans le quartier blanc. La mixité sociale, hein. Raciale c'est-à-dire. Et l'écologie dans tout ça, bah, faire 5 km en voiture pour déposer nos enfants alors que nous pourrions y aller à pied, là il s'interroge. Je regarde cette ville préservée se teinter à vue d'œil. Et ceci remet en cause une thèse d'extrême droite très usitée. Ah, les riches, ils s'en foutent, ils ont les beaux quartiers. Et là, notre auditeur insiste en caractère gras et en majuscule. Il n'y a plus de beaux quartiers. C'est un fantasme de smicard paresseux. Il y a une classe moyenne qui les peuplait, mais qui disparaît, prise entre logements sociaux, impôts accablants, etc. Vous connaissez le reste. Une question demeure. Ces riches, enfin plutôt ces dominants, habitent parmi nous. Ils subissent au quotidien. Ils sont comme nous, Français, blancs pour la plupart, et ont des enfants. Alors, pourquoi font-ils subir cela au pays? Ça, c'est la question qui est la sienne. Alors, c'est un courrier très court. Il fait suite à une interrogation d'un autre auditeur qui nous expliquait en fait en substance le phénomène progressif, parce qu'il était, il a réussi à se loger grâce à ses moyens, moyens financiers, parce qu'à la sueur de son front, il avait réussi quand même à se créer une situation qui était favorable. Donc, il était parti vivre dans un quartier protégé ethniquement, mais il voyait le processus de pourrissement s'amorcer. Ça, je pense que Titus, Pierrot, Fulbert s'en rappellent. Et donc, ça, c'est la réaction de notre auditeur, quoi. Voilà, ils disent... enfin, il dit ça, il dit, voilà, bon, déjà, les beaux quartiers, faites une croix là-dessus, parce que les mairies de gauche s'emploient à les pulvériser. Et son interrogation, c'est pourquoi les classes supérieures, donc les catégories de la bourgeoisie, voire de la haute bourgeoisie, sont en train... Pourquoi ces catégories sont-elles en train de détruire leur propre environnement, leur propre habitat? Qu'est-ce que vous en pensez? Sur la question de la destruction pardon, de l'habitat des quartiers privilégiés. Des quartiers privilégiés, c'est le conformisme. Hein. Ces gens-là votent Macron ou même, avant ils votaient PS, hein, de manière tout à fait. Mais je crois que d'ailleurs, oui. Bah, Colomb, non, mais là on est à Lyon. Colomb, voilà. On est chez le centrisme de gauche, quoi. Voilà, c'est ça, voilà. On est en plein dedans. Et ces gens-là ne voient pas vraiment d'opposition, non pas d'opposition personnelle au fait de crever à petit feu. Hein, ça ne les dérange pas tant que ça. Point qui m'a fait marrer, là, enfin, entre guillemets, le premier constat de notre auditeur, c'est que donc, oui, les blancs arrivent avec un enfant, donc quand ils en ont, les nègres arrivent avec le gros Opel de 9 places. Alors, l'Opel, c'est le Zafira. Zafira, c'est Zéphyr, c'est le dieu grec du vent qui souffle sur l'ouest. Hein, en l'occurrence, c'est bien ça. Il souffle quoi? Il souffle des nègres. Hein, on a là quelque chose d'assez... Écoute, tu parles souvent... En rapport avec, la mythologie. Hein. Non, mais tu parles souvent de la ventilation des nègres. Bah, c'est le dieu de la ventilation des nègres. Oui, le dieu de la ventilation des nègres, effectivement, sur l'ouest. Donc c'est, voilà, le Zéphyr. Humé Zéphyr, il vous apporte le progrès, la civilisation. Ah, ça fait du bien, un peu de civilisation dans cette ville barbare de Londres. La capitale des Gaules, j'aime bien quand ils utilisent cette expression, ça me fait toujours rigoler. Parce que c'est pas tout à fait l'idée qui me vient comme ça tout de suite à l'esprit quand capitale des Mules, oui. Non, oui. C'est aussi, enfin, concurrence, là, concurrence. Massilia, cité grecque. Oh, bah, décidément, on fait... ce soir, c'est... Non, mais... Tu me diras, quand on voit les Grecs, bon... Oui. Cypras ne fait pas exactement penser à une statue de l'Antiquité grecque, c'est certain. Comment dirais-je, les quartiers progressivement ont putréfier, les beaux quartiers progressivement putréfiés, mais quand même sous l'influence d'une politique socialiste. Hein, je veux dire, il y a une vraie politique de mixité sociale, comme on dit, mixité raciale, où on a quand même envie, parce qu'il y a aussi des règlements de comptes électoraux intra-urbains, où vous avez des élus de gauche, écolo-communistes, communistes, qui ont quand même envie d'emmerder les électeurs catho ou catho-Macron, catho-compatibles avec Macron, vous avez bien compris ce que je veux décrire, et qui ont envie quand même de leur mettre des nègres dans leur environnement visuel immédiat. Ça, ça joue beaucoup. Hein. D'ailleurs, Yann Brossa, j'en reviens donc à ce sale petit juif empapaouté de mes deux, qui se fait toute une gloire de diffuser du nègre en veux-tu en voilà dans les quartiers bourgeois. Ceci étant dit, j'ai rien contre le principe, mais pour des raisons strictement inverses. Hein. Je pense que la bourgeoisie qui vote pour ce régime pourri doit goûter les fruits merde qu'elle veut imposer quand même au petit peuple. Je pense que ça lui fait du bien. Moi, je trouve que c'est positif. Mais pas pour les mêmes raisons. Une électrice d'Emmanuel Macron qui se fait violer par un nègre, est-ce vraiment un viol ? Pour moi, quelque part, c'est finalement une histoire d'amour qui se concrétise. Oui, oui, qui finit bien. Ce qui finit bien. Qui finit bien. Je pense que c'est une... C'est le Fatoum. C'est le Fatoum. Oui, c'est ça. C'est le Fatoum. Ouais. Qui, sur ces beaux quartiers, bon, je trouve qu'on avait parlé quand même assez... on a parlé pas mal dans l'émission de la semaine dernière. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Oui. Alors, déjà, je pense qu'une partie quand même de la réponse se trouve dans le précédent courrier des lecteurs. L'autre auditeur disait que les séfarades avaient bien bouffé le 16e arrondissement de Paris, tous les quartiers Jeunesse Dorée, Neuilly, etc. Bon, déjà, les séfarades, je pense qu'ils arrivent à se débrouiller, puis c'est un peu quand même leur projet eschatologique de négrifier l'Arien. Donc je pense qu'eux-mêmes acceptent quelques menus sacrifices à échelle individuelle oui. pour que leur plan eschatologique se concrétise. Donc, une certaine partie de ces riches sont d'abord des séfarades, ensuite des riches, bien sûr. Mais je me dis, ça, sinon, les bourgeois blancs, quelque chose que j'ai constaté de terrain, c'est que autant la bourgeoisie dite traditionnelle, catholique, etc., que les bobos, aiment leur nègre, c'est-à-dire qu'ils aiment la nounou nègre pour garder leurs enfants, la femme de ménage nègre, ou même aussi, vous allez dans le monde rural, beaucoup de vignerons adorent embaucher du nègre et puis le payer en dessous du SMIC pour faire toutes les vendanges. Ou pareil, à Paris, ailleurs aussi, hein, mais beaucoup de restaurants, on va en cuisine, c'est noir comme le charbon, et vraiment que noir, il n'y a même pas un maghrébin ou un libanais entier. Non, je ne touche pas un plat qui a été cuisiné par un nègre, je vous le dis tout de suite. Hein. Bah, mais qui décide de ça ? C'est justement les fameuses classes supérieures. Donc, quelque part, tous ces bourgeois, ils aiment bien avoir leur nègre. Donc, mais c'est une passion. Ça déborde un petit peu, moi, je serais plutôt enthousiaste. Pour les mêmes raisons que toi, hein, bien sûr. Ça avait été assez révélateur. Je ne sais pas si c'était Eric Nolo qui avait dit ça ou si c'était quelqu'un d'autre. Hein. Mais de toute façon, ou Jean-Michel Apathy ou quelqu'un comme ça, de Boboland, qui disait ouais, mais. Justement, en répondant, je ne sais pas si c'était à Zemmour ou à quelqu'un d'autre, il disait « Ouais, mais de toute façon, vous allez faire comment sans vos nounous, sans vos ménagères africaines et c'était musulmanes ?» C'était pas Dupond-Moretti face à ouais, Zemmour ouais, c'était Dupond-Moretti. Je crois que c'est lui, oui. Alors, c'est très marrant parce qu'en fait, c'était un procès qu'il faisait alors aux Gaulois. Bon, en s'adressant à Eric Zemmour, c'est assez drôle. Alors, peut-être que pour Zemmour, c'est correct, encore que je ne suis pas trop sûr. Oui, je pense pas que Zemmour va se garder ses enfants par des nègres. Hein. Non, je pense pas. Mais dire, ce que je veux dire, c'est que c'est marrant parce qu'il y a un phénomène de projection. Et Dupond-Moretti projetait sur toute la race blanche et tous les blancs de France et de Navarre le fait d'avoir une nounou musulmane ou africaine ou que sais-je quoi. Ce qui est probablement son cas, ou en tout cas le cas de sa fille ou de ses gamins. Mais je veux dire, excusez-moi, vous sortez de Paris, vous allez dans quantité de communes de France, des petites communes, des communes moyennes, etc. Les gens qui ramassent les poubelles, les gens qui travaillent pour la commune, qui s'occupent de la voirie, etc., ce sont des blancs. Bah les gens qui travaillent déjà, tout court. L'espèce de fiction comme quoi ce serait que des nègres qui s'occuperaient de la voirie, c'est une vision parisienne ou effectivement lyonnaise ou de toute façon des grandes métropoles. C'est pas du tout le quotidien dans quantité de communes quoi. Et ce que je veux dire, c'est le prisme culturel. Qui est celui de la bourgeoisie cosmopolite des grandes villes en France, où pour eux, c'est une chose totalement acquise et naturelle d'avoir des larvins d'origine étrangère et surtout africaine. Et pour eux, c'est normal, et ils sont très contents de leur service, on comprend pourquoi. Et ils tombent de la lune, en fait, quand des gens leur disent « Mais moi, je veux pas de ça autour de moi. » Bah oui, parce que les autres, eux, quand ils se tapent ces nègres et ces maghrébins, c'est pas quand ils sont en service, c'est quand ils ont fini le boulot et qu'ils rentrent chez eux et qu'ils rentrent avec leur marmaille. Donc, ils les fréquentent pas au même moment, si vous voulez, dans la journée. Donc, on comprend qu'ils sont un peu énervés. Et les bobos ne n'arrivent pas à appréhender ce truc élémentaire. C'est ça que je voulais dire. Mais oui, oui, enfin, ça, c'est... Bon, j'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais c'est... oui, c'est Guy Louis. C'est la France périphérique. Tu as les bourgeois des centres-villes, des grandes métropoles en France, en tout cas, qui aiment bien avoir leurs nègres et autres métèques sous la main, qu'ils payent à bas prix, et tant qu'à faire, ils font en sorte de voter des lois pour avoir des avantages fiscaux, pour pouvoir encore les payer à ce que cela coûte moins. Les blancs qui bossent, qui sont leur... En fait, les gens qui sont leurs subalternes au niveau de l'entreprise, ouais. Ben c'est eux que ces gens-là doivent se tolérer, doivent vivre avec les nègres et ne pas se plaindre, parce que voilà, tu comprends, eux sont là pour diriger tout ce le pays, mener vers son optimum civilisationnel, et donc le fait de faire élever ses enfants par des négresses. Enfin, rends-toi compte un petit peu de l'absurde de la situation. Ben, moi, j'ai vu ça cette semaine, c'était une journaliste. Oui Ah, l'horreur. C'était quoi le canard? C'était 20 minutes ou c'était Libération? Je sais plus, je crois que c'était 20 minutes. Je sais plus, un truc comme Twitter, ça. Il y a une nana a posté la photo de sa fille. Voilà, avec sa nounou. Une négresse, avec une gueule absolument ignoble, une négresse voilée en plus. Hein. C'était pour ça. C'était pour dire la nounou voilée de mes enfants est géniale, elle est très gentille, je l'adore. Pour répondre à la polémique sur le voile islamique qui court en ce moment en France depuis le clash avec Odoul dans le conseil régional de Bourgogne. Alors, on en a parlé. Et là, vous avez les bobos qui ont sorti leur Pokémon en disant « Mais attendez, non, moi, il est super mon Pokémon, pourquoi vous voulez me prendre mon Pokémon ?» etc. Et ça fait du 2000 retweets. Et qui c'est qui retweet ça? Eh ben, vous avez deux types de personnes. C'est les bobos et c'est les bougnoules qui disent « Ah, ben, vous voyez, on sert à quelque chose, en fait, dans cette France-là. » Et vous avez le prolétariat blanc, le petit prolétariat blanc, les classes moyennes blanches, les blancs paupérisés, etc., qui, eux, subissent les vrais bougnoules du quotidien. Et eux, ce qu'ils voient quand ils voient une moukère voilée, ils ne voient pas exactement la nounou de leur gosse. Hein. Ils ne voient pas tout à fait ça. Alors, permets-moi aussi de remarquer, parce que bon, tu as évoqué cette photo-là postée par une journaliste française, me semble-t-il. Oui, bah forcément, française, oui. Oui, enfin, j'ai pas vu. Je précise, c'est juste pour dire tout le bien qu'on pense et qu'on doit penser des journalistes. Oui, non, mais petite précision, ma foi, pour ceux qui n'ont pas vu la photo. Donc, la négresse avec des babines absolument énormes, enfin, bon, truc. On aurait mis ça dans un zoo il y a quelques dizaines d'années, quoi. Absolument terrible. Exposition coloniale. Ouais. Alors. La gamine en question, je n'ai pas vu la tête de la mère. Alors, on voit la photo de le. Oui, je vois ce que tu sous-entends. Oui. Il y a ma foi. Donc c'est une Parisienne. On sent que. Il y a une teinte. Le judaïsme est présent depuis très longtemps. Hein. Il y a une teinte. Il y a une teinte. Il y a des yeux qui. C'est-à-dire que des cheveux blonds avec une peau marocaine, ce n'est pas normal, si vous voulez. Des oreilles avec un angle, une orientation qui n'est pas naturelle. Vraiment, les yeux en forme de trucs qui pendent. Oui, je suis d'accord. C'est très laid. Hein. Ça ressemble à Pauline de Malherbe un petit peu. Bon, vous voyez un petit peu ce que c'est. Quoi. Elle est fort brune, cette catholique. Noblesse catholique, la noblesse catholique qui vend ses filles à Monsieur Mandel. C'est un joli nom. De Saint-Mandé peut-être. Hein. C'est un joli nom, ceci dit, de Malherbe, mais je la trouve fort brune. Je ne dis pas que toutes les brunes. Attendez, alors, là je sais qu'il y a des auditeurs qui sont mal intentionnés, qui veulent me faire dire des choses que je ne dis pas. Je ne dis pas que toutes les brunes sont d'origine juive. Hein, je ne suis pas stupide à ce point-là. Je dis que dans le cas de Pauline de Malherbe, c'est un Apolline, brin. Apolline. Apolline de... C'est un brin qui est très brun. Y aurait-il encore un banquier anobli dans la famille par Louis-Philippe? Je pose la question. Je pose la question. Alors, messieurs, rubrique numéro 3. Avant de faire une pause musicale, c'est une petite anecdote, mais je l'ai trouvée tellement mignonne. Parce que, surtout Chartres, parce que vous savez, c'est un lieu du catholicisme français médiéval, et ça transpire, notamment dans cet extrait. Je vous propose d'écouter cette vidéo, ça se passe dans le McDonald's, dans un des McDonald's de Chartres, et vous avez une Française qui est, à juste titre, indignée par un fait que vous allez découvrir. Je vous laisse écouter et on se retrouve. Je vais brûler ma grand-mère la bite, je vais brûler ton ici. Tu vois, messieurs, vous avez entendu comme moi cette Française s'emporter, elle a raison. Elle commande du bacon au McDonald's et il y a du porc dans le bacon. Ce qui évidemment contrevient aux préceptes de l'islam. Et vous avez entendu donc que cette pieuse française, hein, donc de confession qui veut brûler la grand-mère de, voilà, cette, de, voilà, de cette infidèle. Là, du coup, du couffard, hein, qui a une tête de blanc. Il a osé lui proposer du bacon non halal. C'est ça, c'est un. De toute façon, je pense que c'est un migrant. On le voit sur sa tête. C'est un migrant. Il est blanc. Voilà. Voilà. On embauche des gens, voilà, hein, à pas cher. Regarde la preuve. Donc, alors, comme vous l'avez vu. Parce que comme vous savez, dans les McDonald's, les boulots à pas cher, il n'y a que des nègres, hein, qui bossent. Hein, vous avez... Alors là, ils se font cramer la tête là, par cette jante demoiselle qui n'est pas satisfaite du menu, hein, qui ne correspond pas, donc, comme vous l'avez compris, et comme je l'ai dit, je le répète, au précepte du Coran et de l'islam en général. Alors, qu'est-ce que vous voulez m'en dire? Je vais te brûler ta grand-mère, fils de pute. Oui. Ça m'a fait penser à une vidéo qui est assez connue pour ceux qui aiment bien les mèmes, d'un mec qui prétend manger des côtes de porc halal. Donc c'est une vidéo humoristique qui date de quelques années. Mais la France a fait mieux, en fait, voilà. La réalité dépasse la fiction. C'est un peu le problème de la France. Le mec est un nègre, hein, il faut préciser. Effectivement. Oui, bah on y est. Eh, mon bacon, il y a du porc dedans. Les nègres seraient-ils cons, par exemple? Ah. Non, mais j'ai envie de te dire que la civilisation avance, cher Gandalf. C'est... Oui. Ces nègres-là sont prêts à être exposés dans le monde entier. J'espère que cette négresse fera partie de la prochaine délégation olympique à Paris 2024, je crois, c'est ça? Représenter haut et fort les couleurs de la France. Nous faut des nègres comme ça. Je pense, il faut quand même prendre la mesure que ça, si vous voulez, quand vous entendez cette guenon crier comme une folle, il faut bien comprendre que ça n'est pas en décalage avec le cheptel qui se reproduit actuellement dans les villes françaises. Il faut que je sais que la plupart de nos auditeurs en sont conscients, un certain nombre sont peut-être encore dubitatifs, mais comprenez bien que ce type de créature-là ne dépareille pas avec le reste. Et que ces gens-là, enfin, je suis généreux, je les appelle les gens, ces gens-là montent dans l'ordre social, ou dans le désordre social, à la faveur, dirais-je même, du désordre social, parce qu'on les promeut, hein, donc dans les écoles, les trucs, je sais pas comment ils font, enfin bon, il n'y a plus vraiment de diplôme dans les écoles, mais on les case ici ou là, si bien que quand Derrick rigole en disant « j'espère qu'il sera dans la prochaine délégation olympique », et le problème... ou peut-être la solution, c'est que c'est vrai, c'est ce qui va se passer. À terme, c'est ce qui va se passer. Et je pense que si on donne suffisamment de temps au temps, si on donne encore une bonne trentaine d'années à la France, ce type de truc-là, alors ce sera non seulement totalement banal, mais on va le retrouver, je veux dire, à des postes à responsabilité, hein, entre guillemets, parce que, bon, avec des gens comme ça en responsabilité, les responsabilités vont pas longtemps rester en place. Mais bon, vous avez bien compris. C'est-à-dire que là... À mesure que les nègres deviennent de plus en plus cons, à force d'avoir... Enfin, bon... Les nègres... c'est du bétail qu'on nourrit, qu'on chérit, comme la prunelle de nos yeux. À mesure qu'on fait ça, ils deviennent de plus... Bon, déjà, par défaut, c'est... Ils vont des extrémités qui était inconnu du monde civilisé, hein, pour le coup. Même, peut-être même du monde nègre, à vrai dire. Peut-être, peut-être c'est même du monde nègre. Peut-être même du. Ouais, c'est même fort possible. Donc là, le champ des possibles est ouvert. Hein. C'est vrai. On va avoir droit à des surprises. Là, c'en est une. C'est-à-dire, bon. Elle ne l'a pas dévoré, le serveur. Non, mais elle est quand même à deux doigts de se faire sauter. Hein. Oui, je pense que la décennie 2020 nous apportera des évolutions par rapport à ça. On aura oui. Voilà, une évolution vers le singe. C'est-à-dire qu'il faut quand même voir un truc, un projet, enfin, un des projets de la France pour, je pense, la décennie 2020-2030 et au-delà, c'est quand même la convergence, si tu veux, entre la mentalité bougnoulique des quartiers, l'islam djihadiste syrien et le nègre. C'est quand même Boko un Haram, peu... C'est un peu le projet, quand même. Mais je trouve que les nègres de Boko Haram sont encore, si tu veux, civilisés en comparaison de ce qui va se passer en France, je pense. Ils pourraient s'inspirer, effectivement, de Feu le Calife. Mais je pense qu'on va vers ça, et on va vers une traduction concrète de cette convergence, et je le dis, je le répète, attention dans les McDonald's, attention dans les McDonald's, parce que les employés ne s'en sortiront pas toujours avec une mise à l'amende comme celle que vous venez d'entendre. Je pense que ça se convertira par des conclusions beaucoup plus sanglantes dans le futur. Vraiment. De toute façon, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Regardez aux États-Unis, ils ont des nègres depuis combien ? 3-4 siècles qui ont eu le temps de se blanchir intellectuellement, mentalement, moralement, ou même physiquement parfois. Regardez leur évolution, regardez la majorité des nègres américains et comment ils se comportent, ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce qu'ils racontent. Bon, il n'y a pas de secret, c'est un être qui n'évolue pratiquement pas. Alors oui, sauf qu'il y a une chose qui joue en faveur des États-Unis, c'est que grosso modo, il n'y a pas de culture pour contrebalancer la culture blanche aux États-Unis. Donc il y a la culture blanche américaine, WASP, voilà, et il y a entre guillemets ce qu'on appelle la culture, bon, c'est pas une culture, mais on a la sous-culture nègre, du ghetto et tout. Donc en fait, les nègres, à part leur négritude, n'ont pas grand-chose pour défier l'ordre en place. C'est-à-dire, à part la brutalité immédiate, le crime, le viol de blanche, ils n'ont pas grand-chose. Ils n'ont pas grand-chose. Or, en France, il y a un phénomène nouveau, c'est-à-dire que les Blancs, et surtout dans la jeunesse blanche, il y a un phénomène d'acculturation qui est induit par la présence de plus en plus forte de musulmans, de maghrébins, d'arabo-musulmans, de turcs, et de ce qui leur tient lieu de culture, qu'on appelle la culture arabo-islamique. C'est ça que je veux dire. Donc, il y a un phénomène d'acculturation qui est induit, et c'est ça que je veux évoquer quand je parle de convergence, c'est-à-dire que la brutalité du nègre va pouvoir franchir un palier en innervant la colère, la rage bougnoulique qu'on appelle l'islam en France. C'est ça que je veux dire. Et ça va donner en fait une forme de dynamique, une dynamique aux nègres, qui sans ça, s'il était uniquement, j'allais dire, dans un rapport exclusif avec le blanc, enfin les Français d'origine blanche, serait finalement assez docile. Je dis, grosso modo, il serait assez docile. Aujourd'hui, de la même façon comme on le voit dans l'équipe de France de football. Vous avez remarqué, vous enlevez les Arabes de l'équation, les nègres font ce qu'on leur dit, tapent dans la balle qu'on leur dit, etc. Les Français sont très contents, ils ont leur tirailleur et tout va bien. Or, en France, à la différence de l'équipe de France, on ne peut pas retirer les bougnoules de l'équation. Enfin, pas dans une démocratie et pas dans une république, comme ils aiment à le dire. Donc, les bougnoules restent là, les nègres restent là, et ça fait un sacré additif, et je sais que ça va nous donner de très belles surprises dans les 10-20 ans à venir. Je sais qu'on va avoir des choses magnifiques. Vraiment, hein, vraiment, ça va être très très beau. C'est pour ça que quand tu dis Boko Haram, oui, mais je pense que ça sera mieux que Boko Haram. Ce sera mieux que Boko Haram. Ah ben, je le souhaite de tout cœur. Hein. Eh, tu seras... Je l'ai déjà dit, hein, pour moi, les Français ne bougeront que quand le cannibalisme sera quelque chose de quotidien. Ah bon, on y va. Dans les rues de France. Avant ça, bon, mais s'il y en a des biens quand même. Ouais. Celui-ci est gentil. Hein, il fait des beaux sourires quand je parle. Ouais. Il montre ses dents blanches sur sa face. Bah, c'est-à-dire, les Français en sont psychologiquement dans l'état suivant. C'est-à-dire qu'ils acceptent le djihad sur leur territoire à la condition qu'on leur trouve un bougnoul qui soit capable de planter des buts en Coupe du Monde. Voilà. Si on arrive à leur sortir ça, ils sont d'accord. C'est à peu près la transaction dans laquelle se trouvent 90% des Français aujourd'hui. Ah, le Français, si tu veux, il était quand même bien content que des Français aillent faire des petits métis en Rhénanie, hein, après la Première Guerre mondiale. Tout à fait. Bon, hein, il y a là une vieille racine, effectivement. Il y a quand même quelque chose hein, chez ce peuple. Certaines fiertés, un certain chauvinisme qui pousse, ma foi, à des conclusions bien improbables. C'est ça. Le chauvinisme devenu fou qui pousse à copuler avec des nègres. Effectivement. Qui d'autre avant qu'on fasse une pause? Il faut quand même qu'on explique aux nègres que pratiquement tous les blancs mangent du porc. Donc le cannibalisme est déconseillé. Du moins pour les nègres musulmans. Oui, je pense que c'est une... Ça va trop loin pour eux. Cher Fulbert, ça, oui, c'est une... C'est une association d'idées qui est là, à mon avis, là, tu les as perdues. Tu crois? Ah oui. C'est compliqué pour eux. Hein. Plus de 2 syllabes, ils sont perdus. Titus, Pierrot, vous voulez rajouter quelque chose sur cette négresse hein, qui a fait valoir ses droits à bouffer halal. Hein. Si on peut plus bouffer du bacon halal. Petite private joke à destination d'Alain Soral. Refusons l'islamisation de notre mondialisation. Voilà, certains comprendront. Non, de notre américanisation, il avait dit. Ah, autant pour moi. L'islamisation de notre américanisation. C'était un slogan qui avait sorti ER à l'époque. Concernant l'apparition des quick halal tout à fait. Dans les quartiers qui étaient Non. La racine de cette polémique qui avait été lancée à l'époque par Égalité et Réconciliation, ce qui remonte, hein, c'était le fait que les identitaires arrivaient avec des masques de cochon dans des quick halal pour dénoncer l'halalisation du menu halal. Et là, Soral avait raillé la faiblesse d'analyse, c'est pas moi qui le dis, mais c'était le grief qui était le sien à l'époque à l'endroit des identitaires en disant qu'ils n'étaient pas sérieux parce qu'ils ne voyaient que la moitié du problème et pas le problème en son entier, à savoir une des conséquences qui était l'américanisation. Oui, l'américanisation avec l'apparition des fast-foods. Voilà, c'est ça, ou même de la globalisation. C'était une blague qu'il avait fait à propos des identitaires. Oui, voilà, c'est ce qu'il avait dit. Voilà, je laisse les gens juger de la pertinence ou pas du propos. Mais c'était pour ça qu'il avait sorti cette expression, qu'il avait raillé donc les gens qui critiquaient l'islamisation de notre américanisation. Pourtant, en tout cas, c'est un phénomène qui est très réel. Hein. L'islamisation de notre américanisation, ça c'est très en place. Hein. Ça c'est absolument vrai. On le voit. Oui, pourtant, Quick était d'ailleurs un fast-food d'une marque belge, me semble-t-il, était même sous contrôle français. Oui, la Caisse des dépôts. Bref. Oui, ben, c'est vrai. Ben, bon, mais là, c'est Burger King, mais bon, bref. On a affaire quand même à l'africanisation de notre américanisation islamisée. C'est ça. Mais moi, je suis quand même étonné que. Bon, elle demande un conseil, n'allez pas bouffer dans les McDo, un simple conseil, en passant. McDo, ou alors, allez-y au drive, à la limite, mais bon, déjà, c'est pas bon pour... C'est pas terrible. Et surtout, n'allez pas au KFC, parce que là, pour le coup, c'est... Le KFC, c'est un spectacle vivant. Hein. C'est une termitière nègre, hein, le KFC, hein. c'est terrible. Hein. Quelqu'un d'autre là-dessus, on fait une pause? Allez, on fait une pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie de notre émission. On va parler des nègres. Allez, c'est parti, musique. We'll be right back. Nous revoici pour cette deuxième partie d'émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 42. Mes amis, je vous propose, sans transition aucune, d'enchaîner avec la rubrique numéro 3, Faits méconnus. Faits méconnus. De qui est cette phrase? De qui est cette phrase, chers amis? Tant que je serai vivant, je n'accepterai jamais que cette ignominie qu'est l'étoile jaune soit appliquée en zone sud. Bah, Pétain. C'est le maréchal Pétain, bravo Fulbert, au grand rabbin de France, Isaïe Schwartz. Qui a un commentaire sur ce maréchal Pétain philosébite qui a été, comme vous le savez, et qui est encore si régulièrement attaqué par les juifs? Petite forme d'ingratitude, là, tout de même, je trouve. Bah, oui, moi, je vois, en étant les sectateurs de Charles Maurras, l'Action française, etc., nous vendre le maréchal Pétain comme étant l'alpha et l'oméga de ce qu'a pu faire la France. Oui, bah, oui. C'est assez juste, en fait, hein, malheureusement. Oui, mais malheureusement, mais c'est-à-dire qu'ils sont contents. C'est-à-dire que ce Fermine de ce comment dire de collaborer, hein, oui bon, faire semblant, on fait semblant, mais en même temps, hein, une formule très chère à notre président actuel, en même temps saboter tant qu'on le peut pour sauver les juifs, hein, bon, ouais, saboter pour sauver les juifs, mais pas que, c'est-à-dire, bon, ah ben non, sauver la démocratie, les loges, la démocratie, le parti communiste, tout le monde. Oui, surtout les communistes, en fait, parce que bon, il y avait quand même un danger qui a touché d'ailleurs la France et qui le touche toujours. Hein. Oui, le communisme. Le communisme. Bon, le maréchal, bon, j'en veux pas trop, si tu veux, c'était un vieillard. Hein. Après, bon. Oui, mais. Quand même, comment dire, c'est vrai que c'est la figure. La figure, le mot ignominie me semble quand même venir du cœur. Je crois que c'est vieillard ou pas vieillard, il a tout. Est-ce que c'est lui qui a écrit? Je sais pas. Si, je pense qu'il était en très bon terme avec le représentant du CRIF de l'époque. Enfin, le prédécesseur. Est-ce que c'est pas le cabinet de Vichy? Non, mais c'est le prédécesseur de Chaim Corsia. Et je vois que les rapports étaient déjà cordiaux sous l'occupation. Oui, mais moi je m'interroge, si tu veux, c'est sur le nationaliste français qui traite l'étoile jaune comme étant une ignominie. Je pense que nous avons passé depuis longtemps le cap des interrogations pour en venir à celui des conclusions, à mon sens. Hein. Mais du coup, Saint-Louis était-il ignoble, du coup oui, mais bien sûr. Bah, non, bah, pour le Narwhal, du coup. Oui, hein, oui. Hein, oui. Ça n'est pas poli. On peut pas. Voilà. Les pauvres, ils sont obligés. Si, bon. Ils ne peuvent pas commettre leurs crimes sans qu'on les reconnaisse. Heureusement qu'il y a eu quand même quelques propagandistes, de talent, hein, à cette époque. Oui, mais qui ont compris très rapidement, au bout de quelques mois, ah oui, à qui ils avaient affaire à Vichy, ils sont immédiatement repartis à Paris, c'est-à-dire en zone libre. Hein. Alors oui, parce que les gens ne comprennent pas, quand on leur dit la zone libre pendant la guerre, ils pensent que c'est le sud. Non, la zone libre, c'est au nord. Oui. La zone occupée est au sud. Hein. C'est pour ceux qui ne l'ont pas compris. Hein. Les Juifs sont au sud, hein, ils ne sont pas au nord. Hein. Un courrier d'auditeur m'avait particulièrement marqué, il traitait du cas des gitans de Perpignan, tu te souviens. Vas-y. Et il nous avait indiqué que l'installation de ces gitans sur Perpignan avait été le fait du régime de Vichy. Hein, ah oui, exact, avait, oui. Hein, qui avait cherché à sédentariser les... Ah déjà les, chercher à réparer le monde, encore une fois. Alors, je peux pas résister à cette anecdote, parce que ça me fait trop rire. Alors, messieurs, vous vous rappelez de Maurice Papon? Oui. Qui a été condamné, dont on a accusé d'avoir donné l'autorisation de la déportation de juifs et d'enfants juifs depuis Bordeaux vers Drancy, puis vers la Pologne. Vous vous rappelez de tout ça? Je pense que nos auditeurs s'en rappellent. Bon. Et donc, il a été présenté par la presse juive et par le gang sioniste Klarsfeld comme étant une espèce d'ogre acquis à l'antisémitisme le plus dur. Ben, voici un homme qui a expliqué qu'à la Noël, je crois, 43, il avait versé une larme, il avait pleuré avec son épouse, en fait, après avoir songé au sort de ses compatriotes juifs déportés vers les territoires de l'Est. Donc, c'est vous dire si ces gens étaient déterminés à extirper de France ce fléau, ce péril qu'est la juiverie. Donc voilà, donc en fait, il n'a jamais été question en fait de vouloir se débarrasser des juifs. Seule l'Allemagne a voulu régler ce problème, en déplaçant toute cette faune vers l'Est, ce que n'a pas voulu la France, en fait, ou de très mauvaise grâce. Et notamment le dit Pétain, qui considérait comme une ignominie le fait de marquer la bête. C'est quand même fou, quand on y pense rétrospectivement, c'est quand même fou, quoi. Et ce maréchal Pétain est présenté comme étant l'alpha et l'oméga de la résistance antisémite. Moi, je ne comprends pas ça. Je m'interroge, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est quelqu'un qui devrait être porté au nu par les juifs. Hein. Enfin bon, c'est pas comme s'ils n'étaient pas ingrats. Alors messieurs, en tout cas, je vous propose de passer à la rubrique suivante. C'est... Non, c'est la discussion plutôt. La discussion. J'ai quand même envie brièvement de soulever un point. C'est le coût de l'immigration en France. Est-ce que vous avez suivi ces travaux parlementaires qui ont été menés à l'initiative de la députée Les Républicains Valérie Boyer sur le coût de l'immigration en France? Vous n'avez peut-être pas suivi ça. Elle rédige un rapport sur le coût de l'immigration. Elle a les plus grandes difficultés à trouver des chiffres définitifs sur la question. Donc on parle bien, et il faut qu'on soit clair, du coût de l'immigration récente. C'est-à-dire l'immigration de fraîche date. Hein. Je ne parle pas de l'immigration dans sa longue durée, depuis 50 ans. C'est-à-dire des immigrés de fraîche date et de ceux qui sont déjà arrivés et de leurs descendants, et du coût que ça représente. Pas du tout. On parle bien de l'immigration récente. Et Valérie Boyer aboutit à ce chiffre, d'après ses auditions qu'elle a réalisées, à la fois à l'Assemblée nationale et lors de différents déplacements, elle a obtenu le chiffre de 25 milliards d'euros pour la seule immigration récente. Tant en coût d'hébergement, de procédure, etc., qu'en coût de santé, vous avez bien compris. Il y avait eu une première évaluation beaucoup plus large, alors là c'était le coût de l'immigration au global, hein, au global, qui avait été cité par Polémia et par son journaliste André Posoco, qui avait rédigé un article là-dessus en 2014, donc c'était il y a 6 ans, donc les chiffres sont très beaux, à l'évidence plus élevés maintenant, mais je m'en voudrais de ne pas citer cet article. Voici ce qu'écrivait donc Polémia. André Posoco aboutit au chiffre de 84 milliards, l'équivalent du déficit public français. Bon, au moment où je parle, il s'élève à 93 milliards. Ce chiffre, plus élevé que celui d'autres études, s'explique par le caractère global de l'étude. André Posoco prend en compte les secteurs où il y a clairement des surcoûts dus à l'immigration, la police et la justice, par exemple. Mais il ne néglige pas pour autant, contrairement à d'autres études moins complètes, les autres secteurs tels que l'éducation ou le logement, où il y a là aussi des surcoûts, mais aussi des coûts tout court, qui doivent être pris en considération. André Posoco prend en compte l'ensemble des recettes fiscales et sociales dues à l'immigration, par souci de cohérence. Il réimpute aussi à l'immigration un coût moyen des services publics auxquels les immigrés et descendants d'immigrés accèdent proportionnellement aux autres résidents. Le rapport prend aussi en compte, en dépenses comme en recettes, les collectivités territoriales. Au final, le rapport Posoco fait apparaître un solde recettes-dépenses négatif de 63 milliards d'euros en 2014. Donc ça, c'était le coût de l'immigration globale. Enfin, André Posoco n'oublie pas que sur les 30 dernières années de l'immigration, elle a contribué au déficit public. Ce déficit public a lui-même coûté au budget de l'État en intérêts versés qui ont eux-mêmes nourri l'endettement. Au final, André Posoco estime à 21 milliards les intérêts annuels de la dette en 2013 qui ont pour origine ce déficit. C'est ainsi qu'on arrive à un total de 84 milliards, un gisement d'économie considérable dans la perspective du redressement des finances publiques. Ça, c'est ce qu'écrivait ou commentait Polémia. Alors, donc c'était bien un coût énorme, c'était chaque année le coût de l'immigration totale. Donc première, deuxième, troisième, quatrième génération, plus l'immigration de fraîche date. 84 milliards, donc à la date indiquée, annuellement. Et c'est corroboré au final par les découvertes récentes de Valérie Boyer, puisqu'on est aujourd'hui à un taux d'immigration en France annuel de 250 000 nouveaux venus. En fait, c'est 400 000, comme nous dit le Galou. Il précise qu'il rentre dans les détails, donc je ne vais pas m'arrêter, mais il y a plus de 400 000, plus de 400 000 entrées par an en France, mais officiellement reconnues par le gouvernement, 250 000. D'accord ? Pour un coût donc de 25 milliards. Et ça, c'est la seule immigration récente. Donc chaque année, 25 milliards de plus, au rythme actuel. Et ceux qui ensuite se font régulariser et qui font souche, etc., bon, bah ça, ils rentrent dans les coûts de l'immigration de long terme, quoi. Ça, vous l'avez bien compris. Donc déjà là, pour moi, à mon avis, hein, à mon sens, hein, en 2020, pour moi, on est très facilement au-dessus des 90 milliards d'euros de déficit annuel en raison de l'immigration, et probablement plus encore. Voilà. Mais ça, c'est pour donner une perspective, juste sur l'immigration. Hein, juste sur l'immigration. Est-ce que vous voulez me... Oui, c'est-à-dire qu'au niveau du budget global, en fait, le déficit qu'il y a, hein, qui est structurel... C'est l'immigration. Il est... Oui. Il est inférieur, c'est-à-dire que si tu lèves l'immigration, nous serons bénéficiaires, on n'est pas à zéro, hein. C'est bien plus. On est aujourd'hui, donc, avec la politique de taux d'intérêt qu'on connaît, hein, parce que c'est la BCE pratique des taux d'intérêt à zéro, la France emprunte à des taux extrêmement favorables, donc sa dette lui pèse comparativement peu, enfin je veux dire le service de sa dette lui coûte comparativement peu à ce que ça devrait être si, comment dirais-je, il n'y avait pas une neutralisation des prix de l'argent sur les marchés de l'endettement. Donc la France a cette chance-là. Et malgré ces conditions extrêmement favorables, en 2019, son déficit annuel va s'élever à 93 milliards d'euros. Donc on approche les 100 milliards. Hein, donc... Quand ça va mal, c'est 100 milliards. Quand ça va un peu mieux, c'est 90. Mais vous avez bien compris l'affaire. Donc, on est sur cette base-là, 93 milliards en 2019 de déficit. Et l'immigration coûte sensiblement, donc l'immigration dans sa globalité, à la fois les nouveaux venus et ceux qui sont là depuis 50 ans ou 40 ans, coûte exactement cette somme au jour d'aujourd'hui. D'accord ? Donc, il faut que les gens comprennent ça. Il faut que les gens comprennent. Donc, il n'y aurait plus de déficit, pour ainsi dire, si on réglait la seule question de l'immigration. C'est-à-dire, si tous les bougnoules dégageaient, tous les Africains dégageaient, si on les renvoyait tous dans leur pays à la con, d'accord, et on stoppait totalement l'immigration, la France devient un pays financièrement non déficitaire, à l'équilibre, budgétaire. Plus de questions d'austérité, plus de questions d'augmentation de taxes, d'impôts, tout ça, on oublie. D'accord ? S'il n'y avait pas ce poids colossal sur les reins de la France que représentent ces 15 millions de parasites, s'il n'y avait pas ces 15 millions de parasites-là sur les reins de la France, c'est un pays à l'équilibre budgétaire. Ça ne surprendra que les plus naïfs, hein, mais voilà. C'est intéressant, c'est un rapport qui mérite d'être souligné. Bon, Valérie Boyer est une femme qui provient du parti Les Républicains, mais pour une fois que le parti Les Républicains fait le travail, il faut quand même le reconnaître. Donc je m'en félicite. Donc, fait le travail du Rassemblement National, d'ailleurs. Oui, voilà. Bon, alors, de toute façon, on va pas donner un... De toute façon, Marine Le Pen n'est pas intéressée pour compter l'argent que coûte les immigrés parce qu'elles veulent leur en donner plus. Oui, on va en parler un petit peu plus tard, je pense. Alors justement, alors on arrive au vrai, à la discussion de cette semaine, mais je voulais dire ça en préalable parce que ce coût de l'immigration m'avait intéressé. Parce que là, c'est sans ambiguïté, d'accord. C'est pas une spéculation, c'est ça que je veux dire. C'est pas un spécialiste qui arrive avec un rapport qu'il a trafiqué de son côté, etc., à la demande d'un journal ou je ne sais quoi. C'est une députée à la tête d'une commission qui rédige un rapport pour le Parlement français et qui, à ce titre, a toute autorité pour solliciter les différentes administrations, etc., pour connaître les dépenses. Et d'ailleurs, elle le dit, Valérie Boyer le dit en commission, elle dit « J'ai eu les plus grandes difficultés à avoir des chiffres. » Et ça, ça m'a paru particulièrement révélateur. C'est-à-dire qu'il y a un sabotage de l'information par le gouvernement français, c'est-à-dire l'État français. L'État français sabote les responsables de ministères, les responsables d'associations financées par l'État, sabotent pour que le public ne sache pas ce que coûte l'invasion. D'accord ? Et elle, qui a été mandatée, avec toute l'autorité que ça suppose, elle a rencontré les plus grands obstacles pour parvenir à trouver un chiffre et pour le rendre public. C'est tout à fait normal, cher Gandalf, mais sais-tu que bon, toutes ces associations-là là, qui sont dans le giron de l'État et qui brassent un paquet de pognon ne sont pas tenues de déposer leurs comptes, par exemple, hein, parce que, tu comprends, les associations, loin de ça, liberté d'association, etc. Sauf si tu, bien entendu, tu as pour objet de promouvoir des modes de vie qui ne sont pas en rapport avec l'optimum civilisationnel républicain. Hein. Là, effectivement, là on viendra te faire chier. Mais oui, ces associations-là, là, c'est un pognon fou. Mais alors, tu peux pas t'imaginer ce que c'est. Hein. J'ai plusieurs cas, moi, si tu veux. Alors, c'est quand même bizarre, si tu veux. Je suis dans un environnement qui est au niveau territorial. Tu as une économie, il n'y a pas beaucoup de chômage, etc. J'ai quand même pas mal de connaissances, si tu veux, qui ont de mal à partir avec ces trucs-là. C'est-à-dire des nanas qui bossent là-dedans, dans des associations ou qui sont dans des organismes publics de ventilation de nègres. Ça existe, tu vois. C'est donc ces gens qui sont embauchés, qui touchent déjà des salaires, ma foi, c'est conséquent. Ce sont des PME, ces trucs-là. C'est des PME qui tournent en brassant un pognon monstre, un pognon qui n'est juste que pour... Oui, ils brassent des nègres aussi, un petit peu. Hein. Oui, ils brassent des nègres et du pognon. C'est-à-dire que... un nègre, voilà, on va dire, au final, il coûte... Voilà, on va lui payer un professeur, etc., pour apprendre le français, machin, tout ça, c'est gentil. La francophonie, on n'avait pas assez de nègres qui parlaient français, je ne sais pas si tu avais remarqué, hein, ça manque beaucoup ça les manquait, nègres qui parlent français. Ça manquait en France. Il faut bien des gens pour parler avec Victor Hugo, avec les Afghans. C'est ça. Voilà, mais on en paye encore plus, mais pour payer un professeur, avant de payer le professeur, que tu vas payer peut-être 2000 euros... après avoir levé les charges de 4000 balles charges comprises, tu vas avoir 3 ou 4 niveaux de gens qui vont organiser tout ça pour faire venir les gens, etc. etc. Donc, pour au final, une intervention d'un type à 4000 balles par mois, tu vas te retrouver avec... ça va coûter 4 ou 5 fois plus, quoi. C'est tout. Hein. Bah, moi, j'ai un exemple très concret à vous donner. C'est un exemple parmi d'autres, mais pour bien mesurer la chose. À Brest... La ville est socialiste. Elle est entre les mains du Parti Socialiste depuis des décennies. L'avocat de la Fédération Socialiste du département du Finistère, dont la tête est à Brest, se nommait, Bitru, pour les besoins de l'exemple. Il se trouve que Bitru, qui est par... définition, en plus de sa qualité d'avocat, en excellent terme avec le maire socialiste de Brest, est aussi l'heureux président d'une association d'apprentissage du français aux migrants. Et les choses étant vraiment bien faites sur cette planète, il avait, pour ainsi dire, le monopole de l'apprentissage du français en direction des nègres grâce à la bienveillance du maire de Brest, qui est proche donc de Bitru, politiquement et personnellement. Si bien que quand quelqu'un trouve quelque chose à redire, il attaque en justice, hein, pour protéger donc cette organisation philanthropique qu'on appelle le Parti Socialiste, pour protéger aussi évidemment le maire de Brest, et puis aussi pour défendre ses intérêts, bien compris, puisqu'il bénéficie de l'immigration clandestine, puisqu'il apprend à balbutier à des nègres stupides qui proviennent tantôt de l'Éthiopie, tantôt de l'Érythrée, tantôt d'aller savoir où. Donc, si vous voulez, quand on dit que c'est un business, et c'est, alors j'ai même le montant, cette farce de l'apprentissage du français au primate sur la région de Brest coûtait la bagatelle de 100 000 euros facturée à cette association en question. Bon, voilà, un chiffre d'affaires de 100 000 euros. Vous pensez bien que ça relevait plus de la garderie qu'autre chose, donc une pétasse payée au SMIC, une autre payée à mi-temps pour servir le café. Voilà, vous avez bien compris, vous n'en avez pas pour 20 000 euros dans l'année. Les 80 autres 1000 euros, une fois que vous défalquez ça sur la location du local, qui est un local miteux, tout ça c'est pour Bibi, c'est pour Bitru. Voilà, voilà, là ça c'est du pognon des gens, c'est le pognon des contribuables. En deux mots, contribuables. Et ça file dans les poches de ces gens-là. Et ça, c'est un exemple concret de truanderie politique qui prospère de l'immigration clandestine. Mais vous avez surtout les associations qui sont mandatées par les préfectures, c'est-à-dire par le gouvernement. Dans chaque département, vous avez tout un lot d'associations mandatées de manière discrétionnaire par le gouvernement pour gérer la ventilation des nègres qui nous débarquent de Centrafrique, de Guinée, de Gambie, ouais, etc. Et ces gens-là, en Italie, oui. Vas-y. Et ces gens-là, eh bien, ont la charge de trouver des logements, ont la charge. Vous ne pouvez pas demander les comptes de ces associations. Vous ne pouvez pas demander combien de migrants ces associations ont en charge. Vous ne pouvez pas demander de factures. Vous ne pouvez pas demander combien le montant des subventions. Vous ne savez rien. Vous ne pouvez pas demander. Vous allez à la préfecture, vous dites, voilà, je veux les comptes de l'association. Vous n'aurez pas de réponse. En France, l'argent des contribuables sur la question de l'immigration est frappé du sceau de l'interdit. D'accord ? C'est ce qu'ils appellent une république. Hein ? Vous savez, là, tout le refrain, le peuple est souverain, etc. Bon, ça, je ne sais pas s'il y a des cons qui croient encore à ça, mais bon. C'est pour expliquer que, je veux dire, vous avez des sommes énormes. Par exemple, je vous donne juste et j'en finis, je te donne la parole. L'histoire des migrants mineurs isolés. Ils appellent ça les MNA. Hein, donc les migrants mineurs isolés. Ces gens-là, qui viennent du Maroc et d'ailleurs, on les dispatche. Il y en a 40 000 en France aujourd'hui. Cette mauvaise blague coûte, en moyenne, 50 000 euros par tête et par an. 50 000 euros par tête et par an. Que ceux qui m'écoutent songent à ce qu'ils gagnent en totalité dans une année. Hein. 13e mois compris, hein, pour ceux qui l'ont. Hein. Qui songent bien à ça. Le premier pouilleux qui débarque du Maroc en France, qui déclare avoir moins de 18 ans, rentre dans ce dispositif. Vos gamins à vous n'auront jamais un tel traitement, je vous le dis tout de suite. Ça n'arrivera jamais. 50 000 euros en moyenne. Totalité de la farce, 2 milliards par an. Et c'est juste les mineurs. Ou prétendus tels. Hein, parce qu'on se rappelle de Faudé, le mineur de 16 ans, qui avait une gueule de pratiquement de patriarche de 38 ans. Hein. Franchement, bon. Donc, c'est vous dire que le pognon file non pas par dizaines de millions, c'est par milliards. Et des gens y trouvent leur compte. Des gens bâtissent des fortunes là-dessus. Ils s'achètent des résidences secondaires, ils payent leurs maîtresses, ils se payent des bagnoles, ils garnissent leurs comptes dans des paradis fiscaux, etc. C'est une gigantesque escroquerie. Gigantesque escroquerie. Tout le monde le constate, personne ne dit rien, pour ainsi dire. Sauf, évidemment, là, puisque Valérie Boyer a tenu à faire un rapport, mais elle n'en saura pas le centième. Elle n'en saura pas le centième. Elle a une vague estimation, mais elle ne sait pas où va l'argent. Elle n'a pas les moyens de le savoir. Donc, Voilà, je voulais poser parce qu'ensuite on va parler des Outre-mer, ça va être très intéressant. Mais juste sur la question de l'immigration, c'est pour voir le pognon fou que ça coûte, quoi. Derek, tu voulais, je crois que tu voulais parler d'Italie, je crois. Oui, non, je disais si tu en Italie, le trafic des nègres et compagnie, là, ça se fait pas mal par la mafia. Oui. Et l'Église aussi, ouais. Pareil, hein. Oui, non, mais c'est pas. Oui, tout à fait, bien sûr. Mais du coup, en France, on a une mafia, mais la mafia, elle est une association de loi 1901. Elle peut faire ses affaires de manière tout à fait opaque et tout à fait légale, et même est encouragée par la puissance publique, hein, par les préfectures, puisqu'elle a des agréments. Hein, bah, en France, on n'est pas communiste à moitié, donc en France, on a étatisé la mafia. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça me rappelle, bon, de tout autre registre, mais pas si éloigné que ça. Comment ça s'appelle ? Un centre d'éradicalisation pour islamistes. Dont l'association, encore une fois, hein, avec un psychologue, etc., une espèce de juif à tête de rabbin qui ressemble très portrait à Olivier Dassault, bon, c'est absolument ignoble, et qui avait été malheureusement emprisonné pour cause d'agression sexuelle, hein, bon, sur des employés à lui. Bon. De Chixa ? Voilà, oui, Chixa, hein, bien entendu. Voilà, ce type-là touchait un pognon fou pour ne rien faire. Il avait reçu des marchés publics. Hein, ouais, bah, ce sont des marchés publics. L'État dit oui. On va faire énormément là, contre la déradicalisation. Ah, on va faire énormément pour l'intégration. Oh, là, là, là. Quand ils disent on va faire quelque chose, en général, ça veut dire vous allez payer. Oui, hein, oui, non, mais oui. Il faut, cher ami, que vous ayez le réflexe parce que en France, on n'a pas forcément de premier abord. On dit oui. Il y a des problèmes, on attend des politiques qui règlent quelque chose. Quand un politique vous dit qu'il va régler quelque chose en disant « on », ça veut dire « tu vas payer ». Oui. Je paye. Oui, les politiciens... En France, plus qu'ailleurs, hein, pour le coup. Les politiciens ont cette tendance à utiliser le « on ». Ben, les Français ont tendance à le croire, donc bon, ils auraient tort de s'en priver. Hein. C'est certain. Alors, juste sur le coup de l'immigration, avant qu'on entame le dur, là, sur les dernières colonies de France qui restent, et la nécessaire séparation dont nous allons parler, Titus ou Pierrot ou Fulbert, de ce coup terrifiant, on paye pour notre invasion, c'est quand même un phénomène unique dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on paye pour notre invasion, il n'y a pas d'équivalent. Hein. Oui, alors là-dessus, je trouve que la France va plus loin que l'Union soviétique, parce que l'Union soviétique était déjà cosmopolite. Il y avait plusieurs nationalités, mais ça n'allait pas au point de faire payer pour une invasion. Bon, le paysan de base payait déjà pour le commissaire politique juif, mais il ne payait pas encore pour l'Afrique. Il y a quand même un certain progrès, quoi. Mais oui, j'ai dit du mal des libéraux dans une autre émission, mais tout ça donne quand même très très envie d'être libéral, parce que, Derek, oui, tu comparais les associations et les PME, sauf que les PME, elles prennent des risques. Si tu fais n'importe quoi sur le marché, tu perds de l'argent, tu te vautres et tu es en faillite. Alors que l'association, il n'y a pas de faillite, il n'y a pas de responsabilisation, elle reçoit de l'argent de l'État, elle le dépense, et c'est tout. Quoi. L'économie s'arrête là, en fait, c'est du parasitisme, ouais. Et c'est tout, il n'y a aucune dynamique économique. N'importe quelle PME est quand même plus honorable que tout ce milieu purulent de parasites associatifs, en plus qui grouille de nanas, de boomers et de mecs demi-PD, que de gens qui sont eux aussi des parasites, même quand ils ne sont pas nègres. Putain, c'est la meilleure description du Front National qui ait jamais été faite, je crois. c'est exactement ça, hein, pour le coup. Mais oui, non, mais quand je disais que ça ressemble à une PME, c'est-à-dire que dans la structure de l'entreprise, dans l'organisation, pardon, tu as la même chose. C'est-à-dire que tu as un département ressources humaines, ma foi, hein, pour ce truc-là. Tu as la comptabilité, tu as tout l'arsenal qui est prêt à faire fonctionner la machine infernale. C'est dans ce sens-là, ça fonctionne comme une entreprise, pareil, sauf qu'effectivement, tu as un client. Oui, c'est un client qui te paye, qui te donne une enveloppe. Donc tu t'organises après Voilà, pour faire ton simulacre d'entreprise, c'est bon, c'est du travestissement, hein. Ce sont des entreprises bâtardes, hein, mais parce que ça ne produit rien. Le nègre, enfin oui, peut-être du gaz carbonique les et de emplois l'urée, fictifs. hein, comme aurait dit Charles Richer. Oui, tout Mais à à fait. part ça, effectivement, ça ne. Et des Oui, négrillons aussi. Oui, hélas. tu fais bien de le Il ne rappeler. produit rien, mais il se reproduit, malheureusement. Oui. Alors, messieurs, attaquons le dur de la question de cette semaine, qui est les dom-toms, l'outre-mer. À la faveur du déplacement d'Emmanuel Macron dans les possessions françaises de l'océan Indien, à savoir l'île de Mayotte, l'île de la Réunion et les îles Glorieuses, qui sont faites des îlots qui ne sont pas habités d'ailleurs. Et moi, je pense qu'il faut commencer en écoutant cette prise de parole absolument vibrante du chef de l'État français à l'égard de nos compatriotes à Mayotte. Je me reconnais totalement dans ces Français-là. Je sens la France ben la France de toujours, hein, Clovis, Saint-Louis, Bonaparte. Charles Maurras. Charles Maurras. Ah, plus. Plus, hein. Plus. On l'écoute et on se retrouve. Et je sais ici qu'il y a beaucoup de mères de famille qui veulent une éducation de qualité à Mayotte pour leurs enfants. Là aussi, on a mis les moyens. Mais nous sommes en retard. Pourquoi? Parce qu'il faut l'ingénierie pour le faire. Et donc, non seulement on confirme les moyens, mais on va accélérer la mise en œuvre sur le terrain avant la fin de ce quinquennat. Ce sont 800 classes nouvelles qui seront ouvertes à Mayotte. C'est l'engagement pris et il sera tenu. Les budgets sont là. Il faut maintenant se donner les moyens d'ouvrir ces classes. D'ores et déjà à Mayotte, ce sont 4000 petits déjeuners servis dans le cadre de l'engagement en matière de lutte contre la pauvreté. Donc vous avez raison, la France, c'est aussi l'éducation. Les moyens seront là. Et les mamans verront le résultat pour leurs enfants, je leur dis aujourd'hui, parce qu'elles ont le droit d'avoir des enfants qui soient ici, élevés, éduqués et qui puissent bâtir un avenir. T'as vu, il y a le bateau qui passe derrière. Il avance, il recule, c'est pas trop. Alors, est-ce que tu as vu ce nègre musulman un peu paumé avec son pot de yaourt sur la tête à côté? Il y a la grosse négresse de l'autre côté. Alors, je pense que c'est un caddie. C'est un hein, caddie, oui, une autorité constituée. Qui est probablement très proche de Marine Le Pen, qui aime beaucoup les caddies de Mayotte. Je pense qu'il est plus frontiste que Macron. On le sait, non, mais Marine Le Pen avait rencontré elle les caddies. Non, mais même elle cartonne auprès des caddies. Elle cartonne. Je crois que Marine Le Pen était en tête hein, à Mayotte. Oui, c'est ça. Et pas qu'un peu, hein, pas qu'un peu. Hein. Tu vois. Alors. Alors, Emmanuel Macron a dit nous avons mis les moyens. Hein, Ah oui, alors, il est déchaîné. Bon, là, l'ingénierie, etc. Bon, déjà, tous les nègres, de toute façon, ils écoutent même pas. Ils sont là. L'ingénierie pour augmenter les singes, quoi. Oui. Nous allons faire les singes augmenter. Transhumanisme. Non, mais attends, 800 moi, classes. Moi, quand j'entends ça, c'est ce à quoi je pense. C'est des singes augmentés, c'est du transhumanisme, effectivement. Ah, non, mais attendez, 800 classes. 800 classes. Je sais pas si c'est dur. 800. On ferme des écoles, on ferme des classes. Pour les petits Gaulois, dans les bleds, hein, dans l'Aveyron, en Ardèche, ils sont obligés de lutter. Ouais, il nous faudrait un prof, un demi-poste, etc. Tu sais, t'arrives à Mayotte, un truc dont on n'avait jamais entendu parler. Ils ont départementalisé. Maintenant, mais 800 classes, l'ingénierie et le truc, etc. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Ouais, non, mais c'est-à-dire que là, il... Enfin... C'est, non mais là, c'est en mode réélection à bloc. Hein. Enfin, moi, j'ai envie de te dire, c'est en mode roi nègre. Hein. Oui, mais c'est lié. Macron c'est est lié. Un roi nègre. Voilà, c'est même bon. Par rapport à ce qu'on peut voir dans le reste de l'Occident, quoi, enfin, des peuples oui. Qui ont encore un petit peu de savoir-vivre. Je pense oui, qu'on non, on arrive. C'est unique, ouais, c'est unique. Ouais. Même le Canada, même Trudeau, si tu veux, là quand même, on a quelque chose. Quoi. Bon, c'est-à-dire que bon, Trudeau, il a pas ses territoires, il a pas. Si Haïti était canadien, non, on aurait il a ses tribus indiennes, mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. Que là, si tu veux, c'est voilà, je suis. C'est beau qu'à ça. En France, c'est beau qu'à ça. Je suis roi nègre de France. Non, mais en plus, voilà. les gens doivent comprendre un truc, c'est-à-dire que ces politicards-là font mine d'avoir de l'or dans les mains, prétendant que c'est du fait de leur intelligence qu'ils ont de l'or dans les mains. Non. Les mecs disent, ces politiciens disent aux gens qui pillent quotidiennement, votez pour moi, vous aurez de l'argent. Mais le pognon qu'ils ont entre les mains et dont ils disposent, c'est celui des gens dont ils sollicitent les suffrages. Oui. Les gens sont stupides. Les gens sont vraiment stupides. Oui, oui. Macron arrive là, il dit on a mis les moyens. Non. Non, c'est pas on a mis les moyens. C'est-à-dire que vous, les blancs, les cons, les espèces de tocards là, qui payent les impôts, eh bien, oui, vous. Oui, ils ont mis les moyens. Oui, eux, ils ont mis les moyens. Bah, vous payez pour. Non, regarde-moi, derrière Macron, tu ouais. as deux nègres. Ils sont gras comme plus gras que des moines, putain, il va exploser, quoi. Une espèce de Fatoumata volée ouais. à lunettes. Hein, ouais, bah... Elle a étudié, elle a lu des livres, ça lui a fait mal aux yeux. Hein. Oh punaise. Et le caddie fanatique de Marine Le Pen, ils ont des ventres, ils en peuvent plus tant qu'ils bouffent. Putain, c'est simple, ils penchent en arrière. Ah ouais, non, mais j'ai des lèvres, quoi. Même les lèvres sont grasses, quoi. Mais ouais, non, ils sont. Oh, mais... Et puis ça, c'est le bordel, c'est le foutoir. Mais ils dorment, ils s'endorment. Ouais, ils dorment, ils sont sous le cagnard, etc. Et l'autre, il est en train de suer, etc. Ouais, regardez, je distribue du blé. Ah, c'est fascinant. Alors attendez, parce que je vais quand même donner des détails de ce plan miraculeux qui était censé faire vibrer les nègres. Alors, la seule Mayotte, qui est un territoire, sachez-le, intégralement musulman, hein. Là, il n'y a pas d'histoire oui. de « oui, oui, non, mais il y a 20% de chrétiens ». Non, non, non. Là, c'est vraiment, c'est Dar al-Islam. Hein. C'est une terre du califat, sachez-le. Hein. Plan de convergence de 1,6 milliard d'euros. À vos frais, chers contribuables, pensez très fort à ce beau chiffre quand vous remplirez votre feuille d'impôt. Ça vous donnera de l'allant. Alors, hein, j'ai trouvé ça dans le Journal de Mayotte, publication locale. Infrastructures sous-dotées, rattrapage des prestations sociales, dotation aux collectivités, la proposition de loi de Mansour Kamardine. Je vais répéter son nom quand même. Mansour Kamardine était présentée lors de la séance de l'Assemblée nationale ce jeudi. Donc ça, c'était en juin dernier. Hein. En réponse, la ministre Annick Girardin annonçait un plan de convergence de 1,6 milliard d'euros. Alors là, j'hésite entre avoir une pensée pour les flics qui gênent parce qu'ils sont dans des comicos où ils côtoient chaque jour des rats, bon, mais ça c'est la clientèle, et des cafards, bon, ou l'armée qui crise parce qu'il leur manque 800 millions d'euros pour faire voler leurs avions. Bon, voilà, ça leur donnera de quoi méditer. Non, non, il y a des priorités, c'est la convergence. Eh ben, je parlais de convergence tout à l'heure, oui. Je vais paraphraser Guillaume Fay, convergence des catastrophes. Non, mais je parlais de convergence, vous savez, un peu plus tôt dans la discussion de la première partie. Ben, on est en plein dedans. Convergence financière, 1,6 milliard pour Mayotte. Dont les détails. Alors, je vous donne les autres éléments. Ça, c'est c'est la télévision d'État pour l'Outre-mer qui donne les détails, parce qu'en plus, ils ont des médias, ces gens. Ils ont ah, oui. Des... ah, bah oui. Alors, je vous cite le texte parce que ça détaille. Hein. Donc, plus tôt dans l'après-midi, Emmanuel Macron a rencontré les maires de Mayotte pour évoquer le développement économique du territoire et le contrat de convergence dont j'ai parlé, signé en juillet à Paris, qui prévoit 1,6 milliard d'euros pour la construction d'infrastructures scolaires et routières, l'accès à l'eau et à la santé. Un montant nettement insuffisant selon le collectif de citoyens. Donc déjà, c'est pas assez. Ah. C'est pas. Alors le collectif du citoyen, si vous ne connaissez pas, c'est ce qu'on a dans les banlieues. C'est, ça s'appelle les coupeurs de route en Afrique. Hein. Voilà. Ils arrivent dans les banlieues, ils viennent. Non, et mais en France, c'est ceux qui foutent le feu partout. Voilà. Hein. Donc, comme Amanda Jolie cette semaine, ça m'a beaucoup plu. En outre, il a annoncé l'allongement de la piste de l'aéroport de Dzaoudzi en petite terre pour désenclaver le territoire, une revendication de très longue date de la population. Ils ont des revendications, ces gens-là. Et une promesse de Jacques Chirac en 2001. Il est cané, bah putain. Jusqu'au bout, hein, même crevé, il nous fait chier. Non, mais c'est même pas ça. C'est vous dire qu'en fait, Macron marche dans les pas, non pas du Rouennais, mais de l'empereur des nègres. Non, mais c'est extraordinaire, quoi. Là. Et ces comptes français qui étaient là. Ah! C'était un bon président, Jacques Chirac, il était sympa. Ah, il était gentil, il mangeait de la tête de veau. Oh, putain. Alors, Macron, il arrive, il dit, non, moi, je fais mieux que Jacques Chirac, je vais allonger la piste. Alors, les mecs, là, pour désenclaver le territoire. Alors, là encore, excusez-moi, je suis obligé de traduire. Je sais que vous ne parlez pas le petit nègre de Mayotte, le Mahorais, mais moi, je vais vous traduire. Quand on parle de désenclaver Mayotte, ce n'est pas pour y aller, c'est pour en partir, n'est-ce pas ? La pression migratoire ne se fait pas dans le sens de l'aller, c'est dans le sens du départ. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, chers amis, que les quelques 10 000 négrillons qui naissent dans cette magnifique maternité de Mayotte, flambant neuve, je veux dire, vous... compatriotes. Oui, parce qu'ils les ferment, ils ferment les maternités, vous savez, dans les sous-préfectures à droite à gauche en France. À Mayotte, non. On ne les ferme pas, on les agrandit et on les modernise. Et pour cause, il y a des besoins. 10 000 négrillons naissent, musulmans, naissent à Mayotte chaque année. 100 000 tous les 10 ans, et si c'est proportionnel, vous savez où on en sera dans une trentaine d'années. Donc, ce n'est pas pour aller à Mayotte qu'on va allonger la piste, mais bien pour en partir. Et pour aller où ? En métropole, chers amis. Alors, j'espère que vous êtes prêts à côtoyer du Mahorais. Ça arrive, et ça arrive au pas de course. Alors, j'ai pas fini. Il y a d'autres promesses du père Macron à vos frais. Nouveau commissariat, plus de moyens pour la justice, une agence régionale de santé, ARS, au 1er janvier 2020. Là, on va les soigner. Ah enfin, on va payer des fonctionnaires à rien foutre. Ah, putain, c'est génial. À rien foutre ? Certainement pas. On va les soigner, nos nègres. On va pas les soigner. En tout cas, on va les faire accoucher. Attends. Un deuxième hôpital à venir. Oui, 170 millions d'euros. Quand on aime, on ne compte pas. 800 classes nouvelles ouvertes pendant le quinquennat, avec l'engagement que les rotations dans les écoles seront terminées d'ici 2025. Le chef de l'État a fait valoir une série de mesures déjà annoncées, assurant qu'il viendrait rendre compte de ses engagements. Évidemment, puisque, comme vous le savez, Macron est aux ordres de ces nègres analphabètes musulmans qui ont 3-4 femmes, pour ne pas parler des Comoriens qui vont être prochainement régularisés, qui se ruent sur l'île. Écoutez, moi je trouve ça tout à fait extraordinaire. Et donc, il faut savoir une chose, hein, le 1,6 milliard, c'est pas le budget de Mayotte. C'est en plus. C'est en plus. C'est un bonus. Donc les nègres de Mayotte ont crisé. On leur file 1,6 milliard pour les investissements d'infrastructures, comme on dit, parce que c'est une île qui en a bien besoin. Voilà. Donc ça, c'est le déplacement de Macron juste sur cette île. Alors, vous voulez une petite... petit commentaire ? Pas particulièrement ? Non, j'attends de voir la suite. Hein. Oui, bon, très bien. Alors, il s'est pas arrêté là. Macron, donc le chef de l'État français, après... Le Père Noël, hein, il est allé aussi sur l'île de la Réunion. Alors, l'île de la Réunion, où, vous le savez, les Blancs sont très appréciés des locaux. Hein, très, très appréciés des locaux. Ils se font appeler, je crois, les oreilles, non ? L'île de la Réunion, je crois. À vérifier. Hein. Et alors là, il a entamé une discussion avec la population locale, où bon, il est venu aussi distribuer. Et alors là... Je vais vous faire écouter ça juste pour que vous mesuriez à quel point le chef de l'État français est respecté par ses populations, un petit peu comme en banlieue finalement, où plus vous donnez du pognon à ces gens-là, enfin plus vous donnez l'argent des Blancs à ces gens-là, en leur demandant de vous dire merci, enfin en demandant, avec les politiciens qui leur demandent de les remercier pour l'argent des Blancs qui claquent, Plus ça se passe mal en fait. Je vous mets un extrait sonore et on se retrouve. Je vois que vous êtes en colère. Là, je suis en colère. Si, vous soupçonnez. Mais non. Si, bon. Je suis en colère, je vais vous soupçonner. Je vais vous soupçonner. Ah bah, tiens, là, de toute façon, là. Qui ça te connaît pour te dire ici? Ah, moi, il vient la prendre, moi, là. Ah, mais soupe alors. Donc là, ouais. Alors les gars, j'ai envie de dire, les Français parlent au français. Ah bah oui, oui. Donc Emmanuel Macron fait, ça se termine, à la fin le nègre lui tourne le dos et il est là, ouais, et puis il parle à d'autres nègres. Putain! Eh non, mais tu te rends compte, les milliards d'euros dépensés pour alphabétiser ces nègres, ils sont infoutus de parler français. Infoutus de... Même les nègres au Mali parlent mieux français que ce cafre des îles, quoi. C'est fascinant. Oh putain. Argent, on comprend ça, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, Oh le salaud! Alors en fait, il faut savoir que ça, c'est la visite de Macron qui a duré 2 jours s'est convertie en émeute raciale. Il faut le savoir, les gens ne savent pas. Mais ils ont. Et la gendarmerie a déployé les blindés. Comme les gilets jaunes d'ailleurs, c'est assez rigolo. Ils ont déployé les blindés, etc. Il y avait des flammes, c'était le chaos. Hein. Donc ça, c'est une visite qui est censée être réussie. Où Macron, le roi des nègres, vient arroser tout le monde de pognon. Et la réaction des gens marrons du secteur, c'est de tout foutre à feu et à sang, autant que possible, s'il y a une opportunité. Oui. Bah, moi, je vais faire un petit tour de table, hein. je vais commencer avec Derrick. Bon, Derrick, peut-être tu sens que j'en ai beaucoup sur le cœur, c'est ça, hein. Ben oui, Bon, c'est pas très différent des spectacles hein, dans des banlieues françaises, parce que finalement, c'est les mêmes gens et la même situation, mais bon. Oui, c'est les mêmes résultats. Les mêmes résultats. On avait parlé de à l'époque, hein, l'élection de Trump, qui savait parler aux Arabes en leur balançant des bombes sur la gueule, oui. Parce que ces gens-là ne comprenaient que le rapport de force. Eh bien, les nègres, c'est tout à fait pareil, hein, si tu veux. Les nègres, quand tu arrives chez eux en mode je viens vous apporter des sous, des millions, des milliards, des milliasses, eh bien, non, c'est pas assez. Et si tu veux que les nègres soient ordonnés, enfin, autant que nègres puissent être ordonnés, oui, autant qu'il puisse l'être, hein, ai-je précisé. Eh bien, tu dois lui... Enfin, le nègre ne comprend que la chicotte. Hein, la chicotte. Quand on lui met... Oui, la chicotte. C'est-à-dire quand on lui met un grand coup de bambou sur les mollets, hein, sur les tendons. particulièrement, et c'est là que devient un petit peu plus productif que... que dans son état normal où il est parfaitement improductif. Mais là, donc, bon, quand tu arrives, j'en veux à Emmanuel Macron de torturer nos nègres. Arrêtez de torturer nos nègres, cher président, en leur promettant des sous. Quand vous promettez des sous aux nègres, le nègre, il ne comprend pas ce qui se passe, il devient fou. Donc, bah, forcément, nous sommes obligés de déployer des blindés dans les rues pour calmer la chose. Non mais ridicule. Arrêtez de torturer nos nègres, président. Arrêtez. Moi je vais monter une association pour l'arrêt de la torture des nègres. Je vais être obligé d'en arriver là. Hein. Alerte. Démocratie participative. Oui, non, mais oui. Nous allons monter une association. Ouais, loi 1901, c'est très à la mode. Oui, sur le modèle de l'association du bien-être du soldat israélien, l'APSI, pour le bien-être du nègre des Antilles. Arrêtons de torturer nos nègres avec des sous. Stop. Pierrot. J'ai pas beaucoup aimé le parallèle en fait avec les gilets jaunes parce qu'en fait c'est pas exactement les mêmes blindés. C'est-à-dire qu'on envoie des blindés sur les gilets jaunes pour leur dire bon les gars fermez vos gueules, vous décidez de rien. Alors que là on leur envoie des blindés pour leur dire non mais attendez les sous arrivent, vous en voulez plus, voilà, faites-nous confiance, on vous donnera encore plus de sous mais juste on n'a pas encore le chèque quoi. Voilà. C'est vrai. Et je voudrais aussi d'ailleurs souligner à quel point j'apprécie l'Afrique quand je vois ces choses-là, car au moins en Afrique, les blancs sont quand même moins présents. C'est-à-dire que le nègre, il doit un peu se débrouiller, tu vois. Alors que là, on peut se dire, bon, c'est des nègres améliorés, tu vois, genre, c'est des métis. Avec l'argent des blancs. Donc, c'est-à-dire qu'on leur file du rhum, du pognon, enfin des conneries. Ils n'ont même pas besoin de se battre, quoi. Et du coup, ils font ce qu'ils savent faire de mieux. Bah, cracher sur les blancs. Et puis glander, quoi. Ouais, ils crachent sur les blancs aussi. C'est ce qu'ils font aussi. Mieux. Oui, c'est vrai que c'est la démonstration par A plus B que l'ingérence blanche dans le milieu nègre est une très, très, très mauvaise idée. Ah oui, moi je suis un anti-colonialiste. Totalement. Non, mais moi totalement. Hein, je veux dire, ou alors par génocide, quoi. C'est-à-dire à l'américaine. C'est-à-dire qu'on éradique tout ce qui est en face de nous et t'avances, quoi. Tu vois. Mais si c'est pour jouer à la nounou avec des tribus de nègres, jamais de la vie. Jamais de la vie. Je suis plus anti-colonialiste que le NPA, mais pas pour les mêmes raisons. C'est ça, oui, moi aussi. Oh là là, mais le NPA ne veut pas lâcher ses îles, mes pauvres amis. Lâcher des îles à nègres. Elie de Monta. Vous vous rappelez des émeutes de 2007 là en Guadeloupe? On avait tout un machin là-dessus. Elie de Motta, c'est qui est un indépendantiste officiellement, un marxiste, tout ce que vous voulez, quoi. Qui est un proche de Taubira, hein, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, on lui pose la question, alors, parce que ça chauffait vraiment, quoi. Et l'opinion publique française était déjà, à l'époque, hein, déjà chauffée à blanc, parce qu'en gros, dans l'opinion publique, c'était mais pourquoi on garde encore ce caillou? Ça revenait quand même vraiment très très souvent. Les Français se posaient la question, mais. Parce qu'ils y foutent jamais les pieds sur ces cailloux à la con. Donc ils se disaient, mais pourquoi on paye ce truc? Les nègres, on les arrose de blé, ils sont pas contents, ils crament tout, et ils veulent encore plus de blé. À quoi ils nous servent? En gros, c'était ça la question. Alors, il y a Elie de Motta, on pose la question. Alors, bonjour monsieur de Motta, qu'est-ce que vous pensez de l'indépendance? Quelle indépendance? Pourquoi on parle d'indépendance? Ici, on parle de solidarité, ici. On est dans une république encore esclavagiste. Nous, on veut sous. Voilà. Et il a envoyé chier tout le monde. Il a dit, non, l'indépendance... Le mec est indépendant. C'est quand même fort. Le mec est à la tête d'une organisation indépendantiste. On lui dit, monsieur, beaucoup de Français veulent l'indépendance. Le mec, il dit, de quelle indépendance vous me parlez? C'est... Attends, c'est... le pays serait à feu et à sang en moins d'une semaine, quoi. Non, enfin, le pays serait tout aussi civilisé qu'Haïti. Alors non, mais attendez, le meilleur, c'est que De Motta a été érigé au rang d'icône par Besancenot, qui a tout compris au film, tu veux dire, tu vois, c'est-à-dire, je sais pas quoi, si le mec était sérieux dans son combat, tu vois, admettons, l'esclavage, le truc, d'accord, le mec, il est à la tête d'une organisation indépendantiste révolutionnaire, très bien, il veut l'indépendance, ou alors je comprends pas le français. Ah, lui non plus, ça tombe bien. Non, ça l'intéresse pas, etc. Eh ben, Besancenot, tu vois, lui, plutôt que de dire, je comprends pas, je crois que t'étais contre l'indépendance, contre le colonialisme, etc., la libération, etc. Non, il trouve que c'est génial, le fait d'être un gros nègre, indolent, arrosé de blé depuis la métropole, pour continuer à glander aux frais du blanc, en étant, en fait, une espèce de sous-colonie, etc. Enfin, c'est... Besancenot en extase devant le phénomène de Motta. Et on n'est pas sorti de ce phénomène. On n'est pas sorti de ce phénomène. Alors bon, bref. Non, je m'arrête simplement sur le phénomène de Mota, parce que toutes ces îles regorgent d'indépendantistes de toutes les couleurs, de toutes les variétés, avec des taches, sans taches, des zébrures, enfin, il y en a vraiment de toutes les espèces. Mais il n'y en a pas un qui veut l'indépendance. C'est quand même assez extraordinaire. Peut-on aussi remercier, j'en profite, un petit aparté, notre ancien président Nicolas Sarkozy, pour avoir donné Mayotte, le statut de débarquement à Mayotte. Voilà, merci. Oui, oui, c'est vrai. Le très droitiste hein, qui passait les karchers. Oui. À la droite dure. Bah, c'est quand même un geste puissant, puisqu'il a fait de Mayotte un territoire qui, au terme de la Constitution française, est à égalité avec l'Indre. Ça me parle. Effectivement. Ça me parle. J'y vois une vocation universelle, cher Gandalf. Oui, c'est ce qu'avait dit d'ailleurs Aimé Césaire. Parce que vous savez que pendant un moment, il y avait eu l'agitation révolutionnaire dans les Antilles dans les années 60. Et le petit-fils de rabbin Michel Degré avait cru utile de créer un organisme, d'ailleurs, dont j'ai complètement oublié l'acronyme, on peut le retrouver assez facilement, qui a permis la réinstallation des nègres des Antilles en métropole, 500 000 kilomètres. De Réunion, précisément. Des Antilles, aussi. Des Antilles. D'accord. 500 000 Guadeloupéens et Martiniquais installés dans les années 60, à partir des années 60, en région d'Île-de-France, déjà notamment, vous voyez leurs enfants et leurs petits-enfants souvent à mettre des PV dans les rues de Paris. Ça me voulait... Oui, une profession très productive, là encore. Hein. Oui, pour renflouer les caisses d'un État qui en a bien besoin, parce que, vous le savez, eh bien, il y a des infrastructures à créer à Mayotte. Hein. Vous ne perdez pas. Ils gardent leur accent, en plus. Votre voiture est mal garée, monsieur. Je vais devoir vous mettre une amende pour verbaliser. Et puis en plus, ils le font avec vraiment beaucoup de respect pour le citoyen français, tu vois, qui les nourrit grassement. Tu sens, tu vois. Tu sens ça, tu vois. Comment ouais, ça... Non, mais oui, on les sent. Oui. Cet acronyme, moi je veux cet acronyme là du. Ah non, je sais pas. Vas-y, Derek. Non, je veux dire, c'est ces nègres là qui sont. Qui sont fanatiques là pour te filer le moindre PV, ce sont des espèces d'éponges à formation, aux formations bolcheviques, hein, bolchevisantes, soviétiques, que peut faire la sécurité routière. C'est-à-dire que quand ils te voient te garer, tu es mal garé, tu dépasses un petit peu, tu vois, de ta place. Eh bien, c'est comme si tu étais un meurtrier en puissance. Donc, ils se sentent investis par le devoir, oserais-je dire par Dieu. Ce sont des prêtres. Hein. Ce sont des prêtres d'une religion dont le Dieu, ma foi, est la fonction publique. Hein. C'est alors, particulier. J'ai l'acronyme en question. Donc, le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer. Donc, en fait, c'est pour transplanter. Déjà les migrations, hein, c'était déjà la thématique. Hein. Donc là, on est en 1900, au début des années 60. Donc, pour organiser la migration des nègres des Antilles, et je veux dire des dom-toms en général, des possessions françaises, vers la métropole, donc les implanter, donc qu'ils fassent souche en métropole, donc qu'ils engrossent des blanches, hein, en gros. 1,5 million, supervisé par Michel Debray, hein, donc le petit-fils de rabbin de Gaulle. Voilà, qui a écrit par ailleurs. Petit-fils de rabbin. Petit-fils de rabbin. C'est pas Jean-Louis qui était petit-fils. Non, non, petit-fils de rabbin. D'accord. Fils de pute, en tout cas. Petit-fils de rabbin qui a écrit la constitution de la 5ème République, etc. Voilà, je passe les détails. Oui, c'est celle qui nous sauvera hein, du désastre. Alors donc, ça s'appelait le Bumidome, ce bureau. L'acronyme, le Bumidom. C'est... Bibendum. Voilà, le Bumidom. Donc le Bumidom était fait donc pour ventiler déjà, à l'initiative des Juifs, des nègres venus des Antilles en métropole, afin qu'ils violent des blanches. Il y a comme ça quelques... Ce qui va nous donner, parce que, vous savez, il y a des gens qui disent « Ah, mais... » J'ai lu ça encore récemment, et on va y revenir, hein, mais... Ah ouais, mais... Ce sont... J'ai même lu ça chez des identitaires, enfin entre guillemets, hein, c'est une farce à ce stade, mais que c'était des Français de souche. Parce qu'ils portaient des prénoms français, Éric Zemmour, hein, et qu'ils étaient catholiques, oui. Alors, plus français que les Savoyards ou les Niçois. C'est vrai. Alors, permettez-moi d'en citer quelques-uns très éminents. Louis-Georges Tin, parmi d'autres. Joe Estar, de son vrai nom Didier Morville. Lilian Thuram. Bon, allez, alors une femme, hein, pour donner le change, Christiane Taubira. Bon, voilà, là, très brièvement, je vous en ai cité quatre, hein, et je pourrais continuer comme ça très longtemps. Des gens, si vous voulez, qui, tous les jours, mais témoignent d'une francité, messieurs, mais d'un amour du blanc. Mais d'un amour du blanc. C'est pas le type de personne que vous retrouvez à essayer de fomenter des troubles raciaux par médias interposés. Alors, ça, jamais. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, j'ai pas souvenir d'une polémique avec Lilian Thuram disant qu'il y avait un problème avec la culture blanche qui était intrinsèquement raciste. Tout ça en palpant des millions, en étant un exilé fiscal, etc., et en boxant sa femme tranquillement. Bon, non, j'ai pas entendu parler de ça. Non. Christiane Taubira, qui fait sortir tous les taulards de France et de Navarre quand elle est ministre de la Justice, etc., tout en faisant des chips à la télé. Louis-Georges Tin, qui veut que les blancs casquent. Hein, donc le tourneur fraiseur de Maubeuge passe à la caisse pour payer pour l'esclavage, qui a été quand même organisé par les juifs, entre nous soit dit. Et puis Joe Estar, hein, auquel on doit quand même l'élévation spirituelle moyenne de la jeunesse française, avec son fameux groupe de rap très connu maintenant, Va copuler avec ta mère. Ce sont des Français à part entière. J'ai même envie de dire, ils sont plus Français que la moyenne des Français. Hein. Ça se ressent. Donc, merci au Bumidome et à ses fonctionnaires déjà à l'époque, Bureau des Migrations. Et merci à Michel Debré, éminent gaulliste, homme de droite, ayant le sang de Judée dans les veines. Voilà. On continue ou bien vous voulez faire une observation sur ces entiers auxquels nous devons tant? Ah, moi, je voulais observer quand même, Gandalf, que tous ces nègres sont plus français, il faut le savoir, que les Alsaciens ou les Savoyards, parce que les Antilles étaient françaises avant la Savoie, et les Alsaciens, on sait tous que ça reste des boches, et voilà, le boche, voilà l'ennemi, hein. Oui. On sait que Angela Merkel complote pour dominer l'Europe contre la France, hein. Là on a le droit d'être xénophobe, hein. Oui, bon, je suis nègres, mort aux boches. Je suis particulièrement en accord sur ce fait-là avec... nos amis de l'école maurassienne, oui. Les Alsaciens sont des patriotes douteux. Bah déjà, ils ont un défaut. Ils sont blonds. Ça pêche. Suspect. Ça pêche. D'ailleurs, puisque nous parlons de Maurras et du legs du royalisme en France, tangible, hein, le legs. Saviez-vous que cette histoire de francité de Mayotte, car oui, l'île de Mayotte, d'après l'extrême droite royaliste, est française, plus française, ah, oui. Est française, peut-être même avant Nice et la Savoie. Plus que Nice. Par vocation, dirais-je. Est-ce que vous savez à qui nous devons cette idée d'arrimer à toute force? Ce territoire avec ses gros nègres en surpoids qui hurlent parce qu'on ne verse pas assez de milliards, pratiquant leur islam dans un sabir inaudible et faisant peur à n'importe quelle oreille un peu sensible, en tout cas oreille occidentale. Savez-vous qu'il y a eu cette idée de génie? Ben, je ne le savais pas jusqu'à cette semaine, mais je crois que le fanatique à la tête de ce qu'il reste de l'Action française, a une réponse, hein, Monsieur Blanchonnet. Alors, moi, j'ai la réponse. C'est Pierre Pujol. Oui. C'est Pierre Pujol, oui, compagnon de route, hein, de Maurras, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle tout simplement « Mayotte, la française ». Ah. Par la grâce de Dieu. De l'éternègre, peut-être, et qui a réussi à convaincre les autorités d'arrimer ce sas De trois rats. Hein, non, non, c'est plus qu'un trois rats, c'est un sas à nègre musulman. Si c'était un trois rats, ce serait déjà une chose. Mais c'est un sas. Parce que, messieurs, avec cette démographie débordante, à 10 000 par tête, sur un caillou qui est tellement petit que c'est une bombe démographique à retardement, enfin, c'est une mine. Hein, je veux dire, à uranium appauvri, c'est terrible cette affaire. Hein. Ce truc, on va en gagner 100 000 sur les 10 ans qui viennent. Sur les 20 ans, et 20 ans c'est vite passé entre nous, Sony. Hein. Sur les 20 ans, ça sera au minimum 200 000, probablement plus par effet de proportionnalité. Et je parle pas de l'immigration clandestine, qu'on prétend juguler, qu'on jugule pas du tout, mais bon. Et ce torrent, sur les 30 ans et 40 ans à venir, va se transformer en demi-million, etc. Vous pensez bien qu'on va pas garder tout ce beau monde sur place. Et j'y viens. Parce que moi, j'ai une expérience tout à fait pratique. Dans le cadre professionnel, moi, j'ai vu les manœuvres de l'administration française, à quoi elle se livrait en douce. Dispatchant avec le venin caractéristique de l'administration française quand il s'agit de foutre des nègres dans les recoins les plus reculés de la Gaule, des Mahorais musulmans, tellement cons, je l'ai vécu, hein, tellement cons qu'ils étaient infoutus de savoir si c'était chiite ou sunnite. C'était de ce niveau-là. Hein. Ils ne savaient pas, ils n'étaient pas sûrs. Les bonhommes, ils les calaient dans les lycées professionnels, les machins de stage, les trucs, etc. Ils étaient déjà en train de les ventiler. Il y a des années de ça. Et la démographie est bien pire aujourd'hui. Et c'est beaucoup plus facilité, puisque maintenant, ce sont des départements, donc tous ces messieurs sont des citoyens français. Ils prennent un coup d'avion, ils arrivent en France. Il n'y a plus moyen de financer. Donc nous allons avoir des centaines de milliers de Mahorais qui vont arriver en France, en plus, chers amis, de nos Pakistanais, de nos Afghans qui brûlent la jungle à côté de Calais, de nos Algériens bien établis. Nos Maliens, nos Sénégalais, nos Congolais, nos Camerounais. Nos Gambiens mineurs de 25 ans, voilà. Donc en plus de tout ça, nous allons avoir... De nos Guadeloupéens. En plus de tout ça, nous allons avoir nos Mahorais, qui vont former une nouvelle colonne, hein, de 200 000, 300 000, 400 000, ça va gonfler. J'ai d'ailleurs vu qu'il y a des mariages Mahorais à Marseille, j'ai eu le loisir de le constater avec... Marseille est une antenne comorienne, oui, une avant-garde. Oui, une antenne comorienne, ouais. Oui, les nègres qu'il y a sur Marseille, beaucoup sont des Comoriens, contrairement à ce qu'on peut voir sur la région parisienne, où ce sont des Maliens et... Ouais. Et Camerounais et autres joyeuseries. Oui, ouais, là, c'est Marseille, c'est plus du Comorien. Eh ben, la chose est déjà très bien amorcée et ça va empirer. Alors, je voulais juste avoir une pensée émue pour Pierre Pujol, qui va être le père spirituel d'un certain nombre de viols et de meurtres de blanches, pour ne pas parler de mulâtres musulmans qui vont pulluler dans les rues de France et de Navarre et qui, à l'occasion, probablement grossiront les rangs, hein, de l'extrême gauche quand il s'agira de casser la gueule de quelques derniers camelots un peu hésitants vis-à-vis de la question d'immigration. Oui, Gandalf, mais pendant les viols, sache que les femmes ne crieront pas en allemand. Ah, ouais. Oui, c'est pas faux. Oui, quand même. En français. Non, mais enfin, en tout cas, moi, j'étais quand même assez surpris qu'un dirigeant de l'Action française comme monsieur... Enfin, Action... Aimait les nègres, enfin, bon. Oui, non, mais à l'heure actuelle, c'est-à-dire que le type, le Blanchonnet, là, qui a sorti ça sur Twitter cette semaine, il était tout fier de dire « Ah, cher ami, non, mais les nègres, là, c'est... » Ce sont des Français, monsieur. Les pépites de la nation, l'avant-garde. C'est à nous, voilà, c'est grâce à nous. Hein, donc, il était fier. L'animal était fier. Hein. Oui, bah, transformer la France en des Antilles géantes, ça me paraît être un projet d'avenir. Par contre, c'est raccord avec l'histoire d'avoir un roi nègre, Bokassa. Oui. Oui, oui, non, mais oui, c'est... Me tendrais-tu une perche, cher Gandalf? Je te l'attends. D'ailleurs, l'Action française te l'attend aussi. Non, parce que ça serait l'occasion d'évoquer peut-être monsieur... Oui. Monsieur Philippot. Vas-y, je t'écoute, oui. Monsieur Philippot était proche du prince Jean Barthélemy Bokassa. Hein. Ah, ah, Oui, se prennent en photo, très. Se renifle. Oui, il y a quand même une odeur de sida dans tout ça. Oui. Très, très, très marqué. Oui. Et si tu veux, le fait que le souverainisme français rencontre l'impérialisme nègre, hein, de l'empereur Bokassa. Oui, oui. Ma foi, c'est quelque chose d'assez logique. Hein. Ce n'est pas surprenant. Oui, il y a une cohérence. Une certaine totalité hegelienne, quand même. Oui, c'est vrai. Alors, je vais vite passer en revue, quand même, le coût global de l'outre-mer. Hein, parce que là, on a donné des détails sur Mayotte, etc. Alors, le coût global. Alors, pour vous donner une idée, la Martinique coûte aux contribuables français quelque 2,3 milliards d'euros par an. Pour la Guadeloupe, la facture s'élève à 3,1 milliards. Ça, c'est en 2017. Hein. Et la Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique Sud, à 2,9 milliards. Donc, arrondissez à 3 milliards. Les dépenses budgétaires brutes en direction des Outre-mer représentent 16,3 milliards d'euros donc en 2017. Les dépenses fiscales en faveur des DECOM relevant de la mission Outre-mer sont de 4,5 milliards d'euros, soit un coût pour le contribuable de 20,8 milliards d'euros. À cela s'ajoute un peu moins de 9 milliards liés aux missions régaliennes de l'État, puis 5,3 milliards de non-recettes causées par des dispositifs fiscaux dérogatoires, donc des niches fiscales, quoi. À cela, il faut ajouter les coûts des abus et immigrations clandestines. Surinamaise, qui accouche en Guyane et bénéficie des dispositifs sociaux français, notamment. Il faut encore y ajouter les politiques d'investissement, nombreuses aides directes à l'investissement, les lois Ponce et prolongements, des fiscalisations d'investissement dans les DOM, ou encore le fameux projet de convergence à 1,6 milliard, la blagounette là, de Macron, là, 1,6 milliard, bon, ce type de truc. La France paie également la note pour tous les emplois du secteur public, pour les allocations chômage, pour sa politique de protection sociale et redistribution. Allocations, minima sociaux ont un coût élevé, compte tenu du développement économique faible de ces territoires. Chômage, allègement, charges sociales, fiscalité. Le chômage dans les dom-toms atteint environ 40%. Il n'y a tout simplement pas de travail. Mais pourquoi travailler quand on est entièrement assisté? Bilan, 40 milliards d'euros au bas mot par an. Alors sur ce, quand même, j'ai envie de faire parler, donc 40 milliards par an, hein, j'ai envie de faire parler quelqu'un qui comprend les choses. C'est Marine Le Pen, je vous propose de l'écouter tout de suite, je vais juste la citer, mais ensuite je la fais parler. Il faut une vraie spécificité pour l'outre-mer. Joyau de la France qui nous donne des capacités d'expansion économique spectaculaires, je pense que les Réunionnais et les Mahorais sont très déçus du voyage d'Emmanuel Macron. On l'écoute et on se retrouve. Quel regard portez-vous, on le voyait à l'instant, sur le déplacement d'Emmanuel Macron à La Réunion face aux tensions économiques, sociales? Le président a promis notamment que l'emploi serait favorisé. Il a demandé à des entreprises d'investir sur l'île. Est-ce que c'est utile pour vous? Non, c'est un voyage pour rien. En réalité, il est venu pour proposer des vieilles méthodes qui ont déjà été mises en œuvre, qui ne fonctionnent pas par ailleurs. Il ne tient pas du tout compte de la spécificité de l'outre-mer et des problèmes majeurs qui sont notamment les problèmes de la vie chère à La Réunion. Il faut savoir que La Réunion, les Réunionnais, payent une taxe supplémentaire sur leur consommation qui s'appelle l'octroi de mer. Pas un mot sur ce sujet alors que c'était évidemment très attendu. Pas un mot pour développer économiquement une île qui, par définition, est un... Vous ne pouvez pas dire pas un mot, il a proposé de créer des emplois. Non mais ça existe déjà. Enfin, il y a pas de spécificité pour l'outre-mer. Dans un forum. Moi je pense qu'il faut une vraie spécificité pour l'outre-mer. Parce qu'il y a des problématiques qui sont différentes. Et par le passé, on a eu des méthodes avec l'outre-mer qui ont fonctionné. De défiscalisation, d'incitation fiscale. Or rien de tout cela en réalité n'est proposé spécifiquement pour La Réunion et rien sur le volet de la vie chère. Et ça c'est très dommage. C'est pas plus utile à La Réunion. Ce qu'il est est allé dire que ce qu'il a dit à Mayotte, où le problème de l'immigration clandestine et le problème de l'insécurité ravagent le territoire. Donc c'est la politique que vous appliqueriez dans les Outre-mer si vous étiez demain aux affaires. Je rappelle que justement dans les départements d'Outre-mer, votre candidat Jordan Bardella est arrivé en tête au mois de juin dernier. C'est d'abord la défiscalisation, par exemple. Mais entre autres, mais c'est l'Outre-mer, c'est un joyau. L'Outre-mer, c'est un joyau de la France. Il nous donne des capacités d'expansion économique qui sont spectaculaires. Ils sont au cœur de ce que j'ai appelé l'or bleu, c'est-à-dire de nos mers, de nos fonds sous-marins, qui ne sont aujourd'hui pas du tout envisagés comme étant une richesse française. Il faut leur faire confiance, il faut évidemment investir auprès de nos Outre-mer, et ça n'est pas du tout ce qu'Emmanuel Macron a fait. Je pense que les Réunionnais et les Mahorais, par ailleurs, sont éminemment déçus du voyage du président de la République, qui m'apparaît comme un voyage plutôt électoraliste. Alors, messieurs, expansion économique spectaculaire. Qui veut me parler un petit peu de ce fantastique projet, de ces îles remplies de nègres à 40 milliards d'euros par an qui promettent d'être des mines d'or, hein, je sais pas quand. Hein. Ça fait des siècles qu'on les a, hein, mais bon, hein, visiblement, il faut attendre encore un peu avant que ça devienne intéressant. Qui veut m'en parler de ça? Qui veut réagir à la réaction de l'extrême droite française incarnée par Marine Le Pen, qui est soucieuse de l'argent de ses électeurs? Enfin, de ses électeurs, on ne sait pas lesquels exactement, j'ai l'impression que c'est ceux des îles, mais... Titus. Oui, j'ai l'impression bizarre que Marine utilise les mots qu'elle pourrait utiliser pour l'Empire français d'avant, mais pour l'Empire français de maintenant, qui est devenu plutôt un empire social-démocrate, un empire de négroculture, parce que je me dis, si on veut comprendre la jeunesse des Dom-Tom, en fait, il faut jouer à Europa Universalis 4, plus que lire des livres d'histoire, parce que ces îles à nègres, elles ont commencé à exister quand il n'y avait que les pays européens qui étaient vraiment des puissances mondiales, c'est-à-dire 17e, 18e siècle, et quand ça avait du sens pour la France, grande puissance à l'époque, de damer le pion à l'Angleterre ou à d'autres pays colonisateurs, parce qu'à l'époque, ces îles étaient réellement des lieux de production, enfin, canne à sucre, etc., et des lieux de position militaire, commerciale, etc. Enfin, et si la France ne les occupait pas, c'était les Anglais, c'était l'Espagne, le Portugal, enfin, d'autres puissances rivales de la France, quoi. Mais donc, à l'époque, ça avait un sens de dire, voilà, telle île est un domaine d'extension commerciale, etc., quoi. Et Marine Le Pen garde ce vocabulaire-là, sauf que quelque chose qui a quand même un peu changé depuis, c'est que l'Empire s'est mué en Empire social-démocrate et culture à nègre. Donc c'est bizarre de voir Marine Le Pen qui mélange les deux, l'espèce de l'histoire d'hier et puis ce qui existe aujourd'hui, quoi. C'est assez curieux. Oui, mais t'as raison, enfin, c'est ce que tu dis. Là, on voit très bien qu'en fait, l'extrême droite française institutionnelle, c'est-à-dire constituée électoralement en partie, est présente à l'Assemblée, en réalité, est réellement réactionnaire au sens... qualité qu'on prête traditionnellement à l'extrême droite. C'est-à-dire que c'est un parti qui ne pense pas au XXIe siècle, c'est un parti qui pense complètement dans les termes qui étaient ceux de la géopolitique du XIXe siècle, quand la France était un empire international. Et aujourd'hui, en fait, on nous fait croire qu'il y aurait comme ça... J'aime bien parce qu'on nous dit « Oui, mais c'est le deuxième domaine maritime du monde. » Moi, j'ai dit mais qu'attendez-vous pour sortir de ce formidable domaine ? Je veux dire, mais des barils de pétrole, du gaz, allez-y, rendez-nous riches. Ah oui, j'ai... Et le problème, non mais tout simplement, le problème, c'est que économiquement, ça ne nous rend pas riches, ça nous appauvrit. Et ce qui me frappe... et considérablement en plus. Ce qui me frappe, c'est que c'est la même rhétorique qui était utilisée pour justifier la colonisation. C'est exactement la même rhétorique. Les colonies, ça va rendre la France riche. Ça va la rendre puissante. Vous allez voir, nous allons accéder à des ressources inestimables qui sont nécessaires pour nos industries, etc. C'est vraiment ce mythe colonial. Je renvoie quand même au bouquin de Jacques Marseille, cet historien qui a fait exploser cette bulle, et c'est d'autant plus cocasse. D'abord, il était d'origine juive, c'est intéressant. Et il avait fait sa recherche avec un présupposé marxiste. Quand il a entamé ses recherches sur la question du coût des colonies, il avait fait avec l'idée que il voulait faire en fait une espèce de brûlot pour une espèce d'acte d'accusation, pour faire le procès du colonialisme en exploitation et en truanderie. Et ce qu'il a découvert dans les archives, c'est qu'en fait, l'aventure coloniale avait été une ruine pour la France. Et une ruine dramatique, parce qu'en fait, la France a raté toute une série de phases d'industrialisation, etc. Bon, je ne vais pas revenir sur les détails, mais ça a été un véritable poids, un véritable boulet pour la métropole. Et à aucun moment, ça n'a été un véritable atout. C'était l'expansion coloniale était le fruit d'une conception complètement différente du monde, qui était une conception qui était globalement celle des physiocrates et d'autres. Et en substance, le contrôle de la terre était très important. Bon, c'est une époque complètement révolue, mais à l'époque c'était très à la mode et on confondait superficie du territoire et puissance économique. Bon, ça c'est complètement révolu. Et la colonisation a été justifiée en partie pour cette raison-là. Et aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est que l'extrême droite française n'est pas sortie de ce logiciel complètement débile et n'a pas retenu les leçons de l'Algérie. Elle n'a pas retenu les leçons de la guerre d'Algérie. Elle est incapable de le faire. D'ailleurs, c'est si vrai que quand vous écoutez l'extrême droite française, avec son histoire stupide d'assimilation, c'est à pleurer quand même, ils sont en train de nous expliquer que il n'y a pas que l'extrême droite qui propose l'assimilation, mais pratiquement les autres sont dans le multiculturalisme, l'adaptation, etc. L'extrême droite française est avec son histoire d'assimilation. C'est-à-dire qu'on va tenter de faire sur le territoire français, ou de refaire sur le territoire français, ce qui a complètement foiré du temps du colonialisme triomphant, où la France était une grande puissance qui impressionnait les populations autochtones. Je ne sais pas si vous imaginez, quoi. C'est-à-dire qu'on va réussir le pari qu'on a complètement foiré en étant dans une position de force autrement plus favorable il y a 60 ans. C'est complètement délirant, c'est ce que dit aujourd'hui le Front National. Et on nous vend les dom-toms de la même façon. Mais monsieur, mais regardez le domaine, oh là là, les ressources du futur, le 21e, oh, mais vous n'y pensez pas, mais enfin. Et puis pendant ce temps-là, les années passent, 40 milliards, 40 milliards, 40 milliards. Alors, pour s'occuper un petit peu du cas de Marine Le Pen et du Front National là, qui s'extasie devant ses nègres des différents cailloux et particulièrement de Mayotte parce qu'ils votent pour. Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a une focalisation de la part du RN sur Mayotte en particulier. Bah, oui, pourquoi ? Parce que ces gens votent pour eux. Donc je me dis, tiens, mais s'ils votent pour nous, on va avoir un discours qui va être encore plus. Pour qu'ils votent encore plus pour nous. Bon, mais, oui, mais c'est très bien, mais bon, tes électeurs, ce sont pas les nègres du soin indien. En l'occurrence, le discours de Marine Le Pen ressemble de plus en plus au discours que peut avoir Jean-Louis Borloo entre deux tentatives d'extorquer des milliards à l'État français pour nourrir des nègres et se nourrir lui au passage. Jean-Louis Borloo, quand il était ministre de l'Environnement, de Mekouille et compagnie, de développement durable, etc. Les océans, etc. Ouais. La zone économique exclusive, c'est merveilleux. Il y a plus d'espace à explorer. Il y a plus à explorer dans la mer que dans l'espace. Et grâce à nos différents cailloux, blablabla. Tu me rappelles mes cours d'histoire géo. Mais oui, mais c'est ça. La mer, regardez les cartes, la France a de l'influence. C'est le reliquat de la morgue française, tu vois, qui dit, deuxième zone exclusive mondiale, etc. Bon. France est encore un empire. Non, mais regarde, les Chinois, ils ont leur zone à eux exclusive, mais couilles et compagnie. Mais quand il s'agit de venir pêcher du thon en Méditerranée, ils n'ont pas besoin de zone exclusive. Donc, ce machin-là, c'est du pipeau, hein. Et puis, excusez-moi, on aurait du pétrole en Guyane, paraît-il. Bon, ben, je pense que le pétrole, on le paierait moins cher si la Guyane était un pays étranger avec moins de normes sociales, environnementales de merde pour extraire le pétrole, hein. Parce que j'entends cet argument de merde, hein, par rapport à Mayotte. Oui, mais c'est exactement ça, comme le disait Gandalf. Ouais. En fait, on a tous les désavantages de nos colonies et aucun avantage. C'est-à-dire qu'en plus, non seulement on ne peut pas prendre leurs ressources, mais en plus, on doit leur donner des routes, des hôpitaux, toutes les conneries, quoi. Ça coûte un blé fou. quel genre de population est toujours prête à, on va y revenir, hein, toujours prête à défendre, à avoir le discours que tu tiens là. Encore une fois, c'est ces enculés de boomers, toujours. Parce qu'en fait... Ah non, mais pas que, il y a des bretons aussi. Hein. Il y a aussi des bretons, il y a aussi beaucoup de boomers. Toujours des types, en fait, qui sont là à défendre les dom-toms, parce qu'en fait, ils sont très contents d'y aller, parce que déjà, ils ont les moyens d'y aller, hein, eux. Et puis, parce qu'ils sont très contents de remuer leur cul sur la compagnie créole en tisant du rhum, tout simplement. Oui, non, mais c'est vraiment... C'est, en fait, si vous voulez, il y a un problème aussi d'amour-propre, en fait. Parce que l'extrême droite, en fait, c'est des gens, ils ont... Enfin, l'extrême droite, je parle du RN, hein, n'ont pas compris que la France n'est plus un empire. Alors, on cultive sa nostalgie. Et ce sont des gens, et Marine Le Pen fait partie de ces gens-là, elle est leur porte-voix, elle n'est pas la seule, hein, attention, elle n'est pas... Oh là là, elle n'est pas la seule, c'est la voix de Macron, c'est même Mélenchon, hein, quand tu disais l'avenir, c'est les océans, etc. Mélenchon dit la même chose, hein. Il dit il faut quitter l'Union Européenne, on va créer un grand empire café au lait avec nos cocotiers et puis nos nègres qui sont tellement travailleurs. Hein. C'est le même discours, c'est le discours d'Asselineau, c'est le discours de Philippot, c'est la même chose, hein. Mais à l'extrême droite, c'est simplement... les types sont tellement... Ils ont tellement multiplié les défaites historiques que de voir l'amour brûler dans les yeux d'un nègre au fin fond de l'océan Indien, ils ont l'impression d'exister. Ils ont besoin de l'amour des nègres pour se sentir avoir de la valeur. Je sais pas si vous imaginez, quoi. Et Marine Le Pen prétend régner sur un empire de cul noir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est toujours pour être en concurrence avec d'autres blancs. Ça me fascine aussi avec ce pseudo-nationalisme français-là. Enfin, si tant est que c'est du nationalisme, pour moi, ça n'en est pas, mais... C'est toujours... Parce que c'est toujours par... Vous comprenez, c'est toujours par définition de l'ennemi, en fait. L'ennemi, on le définit toujours, en fait, par les blancs. En réalité, c'est les blancs et les Allemands, ou les Germains, ou ce qu'ils appellent l'Union Européenne. Mais quand ils attaquent l'Union Européenne, c'est toujours pour attaquer les Allemands, en réalité. Alors, les Allemands, ils ont peut-être des défauts, il y a peut-être de la concurrence, etc. Mais eux, c'est fondamental. Et en fait, ils sont prêts à se mélanger avec des négresses. Si c'est pour essayer de foutre la nique aux Allemands. Bien sûr, c'est un chauvinisme qui est enragé à ce point-là. C'est enragé à ce point-là. Et s'il faut faire venir 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions, 15 millions de nègres en France, ils feront venir 15 millions de nègres. Voilà. Pourvu qu'ils disent merci. Et avec un tricolore. Voilà. C'est ça le projet. C'est le projet de ces gens-là. Sauf que c'est complètement délirant. C'est pas pratique pour un sou. C'est pas viable pour un sou. C'est un désastre. Et ça, c'est le travers aussi de ces politiciens, comme Marine Le Pen, parce que c'est dont il s'agit. C'est que ces gens, vous voyez, ils bâtissent des empires, mais avec le pognon des autres. Donc, ils ont des... Je pense que Marine Le Pen a bien passé ses vacances là-bas aussi, en Guadeloupe, au milieu des nègres qui lui disent merci, très bien. C'est pas le cas de la plupart des Français, d'ailleurs, qui vivent en métropole. Donc, il y a une espèce... Elle est contente, elle bâtit son petit truc là-dessus, ils sont contents, etc. Et puis alors, en plus, pour eux, le terme d'empire, c'est synonyme de bureaucratie, hein, c'est ni plus ni moins. C'est administrer des nègres. Le grand projet de ces gens-là, c'est d'administrer des nègres, avec votre pognon. Oui. Alors, à un moment donné, si vous voulez, il y a une réalité très simple qui s'appelle la réalité économique. Bon, je sais qu'ils sont fâchés avec ça, d'abord parce qu'ils ne créent pas d'entreprise. Marine Le Pen coûte du blé aux contribuables français, elle n'en apporte pas. Marine Le Pen est une fonctionnaire comme une autre. Hein. Oui, tout à fait. Non, mais en plus, regardez le coût de son... Enfin, son parti politique est financé par les contribuables français au titre des élections, etc. C'est un parti qui est en faillite. Bon, ça ne fait pas gagner de l'argent aux Français. Ça coûte du blé. Bon, donc ils ont des lubies. Ils s'imaginent régnant sur le monde avec des cafres indolents, etc., qui leur disent merci. Pendant ce temps-là, le contribuable français, celui qui bosse au quotidien, lui, il a d'autres problèmes. Problèmes de sécurité, problèmes économiques, problèmes sociaux, etc. Pendant qu'on lui ferme des écoles et qu'il y a des gens comme Marine Le Pen pour expliquer qu'il faut ouvrir encore plus d'écoles dans des îles à la con comme ça, les problèmes économiques demeurent. Et ça aggrave. Moi, je pense, si vous voulez, que ce nœud gordien sera coupé quand on aura une... quand la question de la dette souveraine va se poser. Et tout ce cinéma va s'arrêter. Et ceux qui veulent bâtir des empires en administrant des nègres se casseront la gueule du même mouvement. Parce que ces conneries-là, qui coûtent une fortune, année après année, ça ne tient que tant qu'on a des milliards à arroser là-bas. Parce que ces nègres, vous les avez vus, hein. Ils parlent à Macron comme ils parlent à un boy, hein. Vous les couvrez d'or, les mecs, vous crachez à la gueule. Vous êtes un larbin, vous êtes un groom, hein. Ni plus ni moins. Donc, quand il y aura la moitié moins de pognon à arroser là-bas, vous aurez des émeutes, vous aurez des crises. Ça va être quoi l'attitude de l'opinion publique française? Enfin, vraiment française en monopole, d'après vous? Ça va être, il faut en faire deux fois plus, on va serrer la ceinture. D'accord, je veux bien que vous fermez l'école de mon village, pourvu qu'on la maintienne ouverte à Mayotte. Ça va être ça le discours ambiant en France? J'ai l'impression que ça sera différent. Je voulais juste te dire, alors, il y a Henri Coston qui avait écrit un livre sur ce qu'il appelait les technocrates, de gens qui visaient à étatiser complètement la France, ce qui s'est fait d'ailleurs. Mais oui, parce que Henri Coston les dénonçait dans les années 50-60. Des gens qui avaient comploté pour être et dans Vichy et ensuite avec les communistes des deux côtés qui étaient des espèces de crypto-communistes. Et ces gens, en fait, avaient vraiment une idée de l'empire français. Ils voulaient un empire français ultra-productif, indépendant, etc. Mais ils ont écrit quand même des journaux et des livres, notamment un truc qui s'appelait le pacte synarchique d'Empire, ce qui est nié par l'histoire officielle, mais on peut le retrouver, en fait. Et quand on lit un peu ce que disaient les technocrates de l'époque, qui se faisaient appeler les synarques, on sentait que eux étaient quand même encore virils, quoi. C'est qu'ils voulaient un empire qui soit vraiment productif. Et en plus, c'était des comptables dans l'âme, donc ils comptaient vraiment la productivité des usines, qui étaient toujours en quête de trucs à mettre en place pour produire plus, faire plus, etc. Et qui en plus n'aimaient pas la violence. C'est-à-dire qu'ils critiquent le côté révolutionnaire marxiste en disant non, ça c'est stupide, c'est destructeur, ça sert à rien. Il faut faire la révolution technocratique sans violence. Et qui en parle, ça c'est plutôt bureaucratique. Mais on voit qu'ils admirent aussi Hitler, Mussolini, qui avaient réussi à étatiser leur économie. Mais ça, c'était dans les années 40, encore 50, et après, il y a eu la déferlante féministe mai 68, boomer, et là, l'Empire est resté, mais il a perdu la virilité qui restait encore aux technocrates. C'est là, on voit que l'Empire, c'est devenu purement, comme tu dis, bureaucratie, s'occuper du nègre, empathie démesurée pour le nègre, maternité à être misérable, et par contre, la rigueur, elle continue à s'exercer sur le blanc, quoi. Donc je pense que quelque part, le féminisme a joué un rôle dans l'espèce d'évolution de l'Empire en maternité gigantesque. Ah oui. Oui, mais on le voit, hein, je veux dire, moi je trouve que la maternité de Mayotte, c'est le meilleur des symboles de la situation française. Il n'y a pas mieux. Ça résume tout de la France. À tous les niveaux. Démographique, culturel, psychologique, même psychiatrique en réalité. Ça résume tout. Les prises de position des politiciens, ça résume tout. Pierrot ? Non, j'ai pas de remarques particulières. Fulbert, je serais bien content d'avoir ton opinion sur tout ça, sur cette. Parce que finalement, la Belgique a eu des possessions coloniales. Vous subissez l'immigration post-coloniale, et à bien des égards, en fait, l'outre-mer ne sont que les dernières ruines, en fait, de l'empire colonial. Donc le rapport est somme toute similaire. D'ailleurs, j'ai une pensée à ce titre, hein, pour ceux qui étaient les tenants de l'Algérie française, même si je comprends certaines dispositions qui étaient les leurs, ce que ça aurait donné si l'Algérie avait été effectivement française. Hein, bon. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Déjà, je pense la même chose que vous, ça c'est un. Mais franchement, les en Belgique, ils ont. Je ne vais pas dire abandonner le l'ex-Congo belge, pas du tout, il y en a d'autres qui ont mis la main dessus, qui ont pris le relais. Mais il y a longtemps que je crois que les gens ont compris, je parle du monde politique, hein, tout béné qu'il soit, tout lamentable qu'il soit, je pense qu'ils avaient compris il y a quand même déjà longtemps maintenant que il n'y avait plus rien, je vais parler crûment, plus rien à tirer du Congo. Plus rien à obtenir, plus rien à traiter, rien du tout. Maintenant, ce que je vois chez vous, ça me fait un peu mal parce que on est quand même, en étant voisins européens, bon, on est quand même touché parce que les erreurs de la République en France, elles touchent toute l'Europe, elles touchent tous les peuples, même ceux qui sont parfois un peu plus lointains. Tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a fait un peu sourire. Je crois que c'est Eric qui a invoqué les Chinois pour je ne sais plus quelle raison, mais qui faisait une comparaison à propos des îles Et les Chinois, eux, ils font des îles dans le Pacifique Sud, vous êtes certainement au courant, des îles artificielles, sur lesquelles ils installent des aéroports, des ports, tout ça est stratégique. Et donc probablement majoritairement militaire, mais bon. Mais ces îles ont une particularité, à la différence des îles des Dom-Tom, comme vous dites, c'est qu'il n'y a pas de nègres dessus. C'est un énorme avantage. Pour le reste, moi, là où sont les nègres, où ils s'occupent à pleurnicher, moi, je laisserais tomber, mais ce n'est qu'une opinion personnelle. Derek, enfin, est-ce que tu peux nous donner le mot de la fin sur tout ça? Ouais, concernant tous ces cailloux, ces cailloux truffés de nègres, hein, bon, c'est quand même impressionnant qu'on en soit arrivé là, quoi. Même Madagascar, quoi. Si tu veux. Bon, c'est plus français, Madagascar. Mais Madagascar n'était pas nègre. Il y avait personne. Il y avait des Asiatiques qui sont venus là, qui ont découvert la chose. Quand les Français sont arrivés, ils sont arrivés de suite foutre des nègres. Voilà, c'est quand même impressionnant, quoi. Bon, il y a un tropisme, il y a une maladie très ancienne qui traverse le peuple français, de vouloir foutre des nègres absolument partout, jusqu'en Rhénanie. Hein. Alors maintenant, on en est arrivé à mettre des nègres dans les pays baltes, mon cher ami. Oui, des pays baltes. Non, je dis les pays baltes parce que l'armée française est déployée dans les pays baltes pour contrer les blancs de Russie. Ah, et que nous pouvons voir les fiers soldats de l'armée française qui recrutent dans les banlieues. Je croyais que tu faisais référence pour défendre l'Occident. Aux Jeux Olympiques, au patinage artistique avec cette espèce de. Le judo. De créature ignoble. Maé Bérénice Maïté, qui est une espèce de. Oui, l'escrime, tout. L'escrime aussi, mais la natation, les nègres flotteurs. Hein, La France l'a fait. La France l'a fait. La France a modifié des nègres pour qu'ils flottent, hein, et qu'ils puissent parcourir des distances sur l'eau. Ça a été fait. Bon. Moi, je raisonne, je suis assez. Quand je paye des impôts, tu vois, même si c'est pas beaucoup, j'aime savoir à quoi ça sert. Tu vois. Et quand je vois que des politiques, que ce soit les politiques en place ou les politiques qui sont censées me représenter, donc en l'occurrence Marine Le Pen, on la présente comme une politicienne d'extrême droite, hein, dans les journaux. Hein, oui, c'est de plus en plus surprenant. En tout cas sur la télé du Parti communiste qui est France 3. Hein, je reste souvent France 3 pour le régional, etc. Voilà, de suite, la droite et l'extrême droite, on dit que, etc., par rapport au voile, machin, donc l'extrême droite, hein, c'est Marine Le Pen. Bon, quand cette farce-là va-t-elle se terminer, je ne sais pas. Pour ce qui est de l'outre-mer... Indépendance je sais pas, oui, non, je ne sais pas si on a parlé des différentes... niche fiscale qui a brièvement, mais enfin ça coûte une fortune aussi, quoi. Disons que Marine Le Pen trouve que on n'en fait pas assez et elle veut des dispositions spécifiques. Elle veut exempter de TVA. Oui. En plus de tout le reste. Oui, hein, oui, en plus de tout le reste. Bon, oui, ça c'est l'extrême droite française organisée au Parlement. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus dur. Ouais, plus des sous, de l'argent gratuit, parce que les hôpitaux, il faut... parce que tricolore... Les Françaises doivent accoucher dans des conditions... C'est ça. Dans des conditions qui soient relatives au confort moderne. L'extrême droite française a quand même du mal à intégrer cette notion pourtant assez élémentaire du facteur racial. Hein. L'extrême droite française a eu une bouffée de chaleur à la victoire de la France contre l'Allemagne à la Première Guerre mondiale Et cette bouffée de chaleur, malheureusement, n'est pas retombée. Oui, oui, je crois. Ça pas remise. Et il va falloir que ça se termine. Hein, parce que là, ça, alors, semble ça, risque fini. Ça risque de se terminer à coups de harpon. Je crois que là, ça commence déjà. Le harpon de l'éternel. Oui, mais justement, mais permets-moi quand même de dire, parce que Marine Le Pen parle de joyaux de la France. 3 semaines après le coup d'éclat de Michael Harpon, martiniquais de son état, officier du renseignement qui a converti à l'islam en Île-de-France, pas en Afghanistan, hein, en Île-de-France. Je crois qu'on n'a pas exactement la même définition, on n'utilise pas le même vocabulaire, j'ai même l'impression qu'on ne parle pas la même langue en réalité. Et on ne décrit pas du tout la même réalité. Donc voilà, en tout cas, bon, soyons concrets. Moi, pour ma part, à l'exception des Kerguelen, qui ont l'immense avantage de n'être peuplés que de phoques et de mouettes. Et de quelques Bretons par-ci par-là. Même pas. Je crois qu'il y a une station météo, je crois, un truc comme ça. Il y a ça. La Terre Adélie dans le pôle sud. Ça, on garde, c'est bien. Saint-Pierre-et-Miquelon, il n'y a que des Blancs. Ça me va aussi, c'est près du Canada, c'est dans l'hémisphère nord, ça, c'est l'Europe, ça me va bien. Voilà. C'est bien. Ça suffira. Mais pour le reste, on le vend en fait, on fait une petite vente aux enchères. Oui. Oui. Oui. Non, je sais pas. Enfin, on s'en débarrasse. Voilà. Mayotte, les Antilles, la Guyane, oui, j'oublie la Guyane. Le pas de tir de Oui, oula, oui. Le pas de tir de qui? Oui, le pas de tir. On fait un cercle 5 km autour du pas de tir, plus les installations, voilà. Bon, à vrai dire, on pourrait même les louer, mais bon. Oui. Bah, ça faisant, on aurait pu le faire ailleurs, c'est-à-dire que. Oui, tu as résumé la chose. Tous les avantages là que les pro-colonialistes là qui sont nostalgiques de l'Empire français, tout ce dont ils nous rabâchent les oreilles, ben en fait ça nous coûterait moins cher si c'était des États fantoches où il n'y avait pas toutes ces normes sociales de mécouilles. Bien sûr. Parce que non, mais rendez-vous compte quand même d'un truc, c'est que tous ces cailloux de merde. Qui nous coûte un pognon fou à droite à gauche. Il y a une dépense qui est. Je pense qu'on n'a pas forcément évoqué la chose. C'est les fonctionnaires français qui déjà coûtent un pognon fou en France à nous péter les couilles, parce que ces gens-là sont des syndiqués Action Sud, mes couilles et compagnie. Ce sont des gauchistes invétérés. Et quand ils vont se faire bronzer le cul dans ces cailloux-là, eh bien, ils ont des majorations de 40 à 50% du salaire brut. Ah oui, oui. Donc, oui. Ils se gavent. Ils se gavent et nous, on paye derrière. Hein. Donc, voilà. On crée officiellement une organisation qui ressemble à ce qui peut avoir lieu en métropole, donc avec un système ultra-étatiste qui ne sert à rien et qui coûte cher, et on le reproduit en Outre-mer, et ça coûte encore plus cher, et pour des résultats encore moindres. Bon, voilà, à un moment donné, on a commencé par notre auditeur qui nous parlait du divorce, et bien là, oui, je pense qu'il est temps d'acter le divorce entre l'Europe et ses peuples et ses territoires. Oui, je te rejoins, je pense qu'on le saura quand la dette souveraine française va péter, hein, je veux dire, ça me paraît clair, voilà, on ne pourra pas se payer ça. Qui d'autre Ouais. Oui, je me disais, puisqu'on parle de ces îles-là, les Caraïbes, la Guadeloupe, etc. Moi, je pensais à Cuba, parce que Cuba, géographiquement, c'est à côté. Vous vous souvenez que Cuba était supposé être un bastion du communisme pendant la guerre froide, Che Guevara qui vient de là, Fidel Castro, enfin, voilà, le communisme dur associé à l'URSS. Et en fait, aujourd'hui, Cuba est moins communiste que la France. Parce que si vous regardez, il y a beaucoup de resorts, comme on dit, d'hôtels, de complexes hôteliers qui sont dans ces coins-là. Enfin, les Caraïbes, il y a quand même un climat qui est beau. Il faut juste oublier les nègres. Si vous oubliez les nègres, le climat est quand même très agréable pour y passer des vacances. Et il y a tout un monde comme ça, hôtelier, qui existe dans les Caraïbes. Sauf que ce monde hôtelier évite systématiquement la France, parce que la France est beaucoup trop compliquée, trop de taxes, etc. Et les entreprises sont pas folles. Elles s'installent sur des coins qui sont fiscalement bons pour elles. Donc Cuba, c'est à Cuba, il y a plein d'hôtels qui appartiennent à des grosses boîtes américaines, et Cuba a quand même maintenu un savoir-faire de cigares, enfin, ils continuent à faire les meilleurs Havanes au monde, donc même Cuba en fait est plus libéral et moins communiste que les îles à nègres françaises. Quoi. Je crois que les Caraïbes françaises sont premières au monde en termes de communisme. La France a au moins ça, quoi. L'Empire français a gagné là-dessus quand même. C'est beau. Chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.